plein aujourd'hui à Assemblage Requis. Sébastien Viertet sera aux Aguertins avec sa nouvelle chronique Les frivolités universitaires. Et Myriam Lortie survolera avec vous le plus récent numéro de Journal Zone Campus. Assemblage Requis commence tout de suite. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis en ce mardi 2 septembre 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Hello, Stéphanie. Salut Mathieu. C'est le premier matin de l'automne. Ah, oh, bon, on dirait même pas que c'est l'automne avec cette magnifique petite musique d'intro qui sonne si joyeux. C'est si matinal, enfantin, comme je les aime. Mais ce n'est pas le seul changement qu'on a cette année, Steph. L'environnement sonore est tout neuf, mais toi aussi, t'es toute neuve. Oui. Nouvelle garde-robe? Pas du tout. Pas du tout. Je suis fraîchement... sorti de chez nous. En tout cas, une fois lavé, ça va être là. Moi, ça? Non, ton linge. Ah! Je sais plus, je m'en vais. Faudrait que j'aille le laver, c'est ça? C'est un petit message. Bref. Donc, toi, t'es avec nous 4 jours semaine au lieu de 2 comme l'année passée. On avait fait le test, on t'a amené sur la route, on a pris un loaner. On appelle ça les mots anglophones. On a emprunté Stéphanie Paradis l'année passée pour 2 jours semaine avec Jean-Philippe en alternance. Champion. Et maintenant, je suis temps plein. Temps plein. Mais, par contre, on perd pas Jean-Philippe. Ben non! Non, il va être avec moi au Palmarès C'est fou les mercredis après-midi. Mais arrêtons de parler de Jean-Philippe. Toi, Steph, tu vas être là les 4 jours, tu vas nous préparer des chroniques. Ben oui. Le poste d'écoute qui va revenir. Nouvelle chronique. Je ne dévoile pas le titre tout de suite, mais je vais avoir une nouvelle chronique. Ça va être probablement le lundi, donc lundi prochain. Hier, là, inquiétez-vous pas, vous n'avez pas manqué la nouvelle chronique. J'étais pas là moi non plus. Puis c'est sûr que la bouffe de la semaine, ça va revenir une fois de temps en temps parce que c'est un coup de cœur pour nous. Oui, une fois de temps en temps, à chaque quelques semaines. Je sais pas à quelle fréquence exacte, mais il faut se faire ça une fois de temps en temps. J'ai déjà faim, je sais en parler. On va aussi faire une fois de temps en temps peut-être des Throwback Thursdays. C'est annoncé en primaire qu'on va faire ça à un moment donné. Pour ceux qui s'ennuient peut-être de nos anciens thèmes. On va avoir des nouveaux chroniqueurs aussi cette année. C'est notre 6e année de diffusion à Assemblage Requis. Donc, un paquet de nouveaux. Hey, félicitations. Hey, merci. On est rendu vieux. Ouh. C'est des noces de quoi, ça, 6e? Sébastien F. Gartin, anniversaire de quoi à la 6e année? J'en ai aucune idée, honnêtement. 15, c'est de Cristal, en tout cas. Cristal. Piège de Cristal. Oui. C'est ça. C'est un bon film. Il va y avoir de la violence d'ici la fin de l'émission. D'ailleurs, avec Sébastien F. Gartin qui s'en vient dans quelques instants avec sa chronique Les frivolités universitaires. Jean, ça s'en vient dans quelques instants. Tu restes là? Oui. Bon, pendant qu'on écoute une chanson. Tu restes même s'il a chanté ça? Ouais, je vais essayer de prendre sous moi. Parfait. On écoute ça avant. Voici minuit parce qu'on a l'impression qu'il est minuit quand il est juste 7h40. C'est tôt. Non. Pas si pire. Okay. On est jeune, on est con. Et notre monde est cruel. Comme Louis se nourrit, non pas de nos cœurs. Minuit, je suis ton homme. Je peux pas effacer tout ce que j'ai fait. Minuit, je suis ton homme. Je ne peux pas effacer tout ce que j'ai fait, Mimi. Je suis ton homme. Tu dois me laisser payer mes dettes, Mimi. Mon amour. Et c'était Caravane. Oui. Et Minuit. Hey! Une très belle chanson qu'on a adorée cet été. Caravane, Minuit. Voilà. Caramel, ça te dit? Caramel. Caramel. Je pense. Caramel. On reçoit Sébastien Evgertin, qui est chroniqueur dans Zone Campus. Bonjour à toi. Bonjour. Ça va? Oui, vous autres? Ben oui. Tellement. Ça fait longtemps qu'on s'en parle de faire de la radio. On étant, pas moi, Steph, en fait, et toi, que vous parlez de faire de la radio. C'est un plaisir de t'accueillir. T'es chroniqueur dans la section actualité du Zone Campus. Exactement. Depuis l'an dernier. Ouais, depuis la session d'hiver dernier, en fait, le précédent chroniqueur d'actualité a dû partir en stage, fait que... Tout à fait. On se retrouver là. C'était évidemment Laurent. C'était Laurent, ça? Ouais, c'était Laurent Constantin. Oui, oui. Voilà. Donc, ta chronique dans le journal, jusqu'à récemment, s'appelait La belle-mère. Oui, c'est ça. C'est encore même dans le prochain numéro. Oui, c'est ça. Il y a une petite histoire derrière ça. Mais en tout cas, oui, c'est ça. C'est La belle-mère. J'avais choisi de m'appeler comme ça. C'était un peu une joke. Moi, j'étais un tripot de politique, en fait. Puis. Ce qui arrive, c'est qu'en politique, les belles-mères, on va dire ça, mettons, des gars comme Parizeau ou Lucien Bouchard. Mais Lucien Bouchard s'est jamais vraiment fait traiter de belle-mère, mais on va le traiter de belle-mère pareil. C'est le chapeau de fait. Il y a toutes les, ouais, c'est ça, il y a tous les critères. C'est souvent c'est des has-been qui reviennent une fois de temps à autre critiquer ce que le parti fait ou ce que la jeunesse maintenant, qui sont maintenant ceux qui sont là du parti, ce qu'ils font eux autres. Ça, c'est juste en politique, là. Ben, on pourrait dire que Steph Carr, c'est une belle-mère, attends. Steph Carr, ça vient d'où, ça? Il est déjà revenu avec un CD. Quand, ça? Ben, ça fait une couple d'années, là. OK, je vais downloader ça tout de suite. Ah, Steph Carr, c'est pas grave. Je connais pas. Ouais, donc c'était La belle-mère, ça l'est encore, mais ça va changer. Et comme tu dis, l'histoire derrière ça, c'est qu'en ce moment, là, tu te ramasses avec une chronique qui a comme 4-5 titres. mais avant de parler de la chronique du numéro en cours, parlons de toi un petit peu ton parcours. T'étudies en quoi? Tu fais quoi dans la vie? Parle-nous de Sébastien. Fugertin, comme je t'appelle. Fugertin, ouais, c'est pas pire. C'est la première fois que je me fais appeler le nom. J'imagine. Mais ça va être ton petit nom coquin. Ah oh, oui, oh, okay. Fait que, ouais, ben, en gros, moi, j'ai commencé il y a 7 ans, en fait, à l'UQTR, en psycho. Mm-hmm. J'ai fait un bac en psycho. Par la suite, j'ai fait un bac en philo. Puis là, présent, cette année, là, c'est ma. Finalement, je finis les bacs, puis je commence ma maîtrise là, à la rentrée cette année. En philosophie, toujours. Cool. Ça veut dire que tu as écouté sûrement la première d'Assemblage requis il y a 6 ans de ça. Il y a des chances. Peut-être. Donc, ouais, ben, maintenant qu'on te connaît un petit peu mieux, on va parler de la chronique qui est dans le journal là. C'est dans le numéro qui sort aujourd'hui. En fait, non seulement il sort aujourd'hui, on ne l'a pas encore reçu, donc vous l'avez en exclusivité, cette petite chronique de Sébastien Fugertin. C'est sur les débuts de session et c'est une chronique un peu, autoréférentielle, si on veut, autoflagellation. Sur les débuts de session et les chroniques comme ça, c'est bien ça? Ouais, ben c'est que ce qui arrive, c'est que y a comme un stress quand t'es, surtout quand t'es chroniqueur, quand t'es en fait tous les médias, même ici présentement, la première émission, mmh. C'est celle que les nouveaux vont avoir plus de chances d'écouter. C'est là que t'accroches ton Ton auditoire, ouais, c'est ta ça. Ta clientèle, ouais, je m'excuse, vraiment, mot mal choisi. Mais, ton patient. si on était à Rouge FM, je sais pas, là, mais en tout cas, bref. Eh ben. Je fais un X avec mes doigts en ce moment quand il dit ça. Rouge FM. Fais des rétros satanants. Ils sont pas rouges pour rien, là. Tu vois, mais c'est l'œuvre de Satan. C'est des cornes. Ouais, non, mais c'est ça, c'est là que tu vas accrocher ton monde pour la session au moins. Ouais. Fait que là, t'as comme un stress de faire ta meilleure chronique possible, mm-hmm. D'avoir vraiment une chronique avec du punch, puis tu sais que tu vas vraiment, là, tu vas intriguer pour la session, puis tout. Puis, paradoxalement, c'est souvent la chronique que t'as le moins de contenu à passer dedans. Ouais, parce que c'est rien passé. C'est ça, tu sais, il y a L'été, il n'y a rien qui s'est passé. Puis je veux dire, regarde, le GE, il s'est passé des trucs cet été. Oui, mais je veux dire, le monde qui rentre cette année en première année de bac, ils ne savent probablement même pas que ça s'appelle AGE, UQTR. Ils ne savent probablement même pas que c'est vert et que c'est ici. Probablement qu'ils ne le sauront peut-être même pas dans 3 ans. Non. Puis moi, fait que. Ouais. Fait tu sais, ça leur dit rien, ces affaires-là. Fait que là, tu parles de ce que tu peux, puis tu dis, ah, la rentrée cette année, il va se passer telle affaire, puis telle autre belle affaire, puis tous des projets que tu n'en entendras plus parler après souvent. C'est ça. Fait que c'est ça, c'est un peu le stress de ça. Puis Puis moi, c'est ça, je réfléchissais parce que, tu sais, c'est pas pour rien que je l'ai plugué tantôt. Moi, je me dis, c'est ma 7e rentrée à l'UQTR. Tu sais, j'ai pas mal tout vu les discours de début d'année, puis tout ça. Tu sais, le tel vice-recteur fait son discours, tel autre vice-recteur, la rectrice. Ça finit par être tout le temps la même affaire. Le flattage. C'est dans ça, tu sais. C'est ça, tu sais, t'annonces les projets de l'année, puis ça, ça va, telle affaire cette année va être une année remarquable, mais tu sais, c'est toutes des années remarquables. C'est la meilleure année qu'on a jamais eue jusqu'à maintenant en termes d'année. C'est ça, t'sais. Ouais. C'est l'année qu'on va avoir, qu'on a le plus d'effectifs étudiants à l'UQTR, ben oui, c'est sûr, tu sais, t'as tout le temps une croissance de tout ça, tu sais, c'est bien rare que ça va baisser, tu sais. C'est bien logique. Si ça baisse, ils vont jamais en parler. C'est ils ça. Pas, cette année, on a eu une baisse, malheureusement. Une grosse année. Vraiment, ça commence mal, puis ça va finir encore pire. À retourner dans chez vous pour revenir l'année prochaine. Je suis Nadia Gasselier, j'approuve ce message. Faux. Complètement faux. Ouais, c'est sûr qu'il y a des gens qui t'ont mêlé avec elle, avec ta douce voix mélodieuse. Oui, vraiment. Là. Féminine. L'accent, ouais, c'est ça. Je suis un maître des accents. C'est ça, parlant de l'administration aussi, c'est ce que je disais aussi, c'est que je me disais, entre universitaires, je me disais, en quelque part, on est supposé d'élever un peu le débat. Mmh. Fait que c'est pour ça que je ramenais une petite polémique qu'il y a eu cet été, qui a eu principalement eu lieu sur Facebook, là, mais que c'était à propos des. Dans le fond, dans le département d'administration. Puis là, je sais pas quel sous-département, parce que c'est un peu compliqué, cette bibitte-là. Mais il y a officiellement des cours en langue unilingue et anglaise qui se donnent cette année à l'UQTR. Okay. Là, je pense, je suis sûr que c'est administration, marketing, mais en tout cas. Des trucs de business, Big Shot, Worldwide International Federation. C'est ça. Ils ont des petites mallettes en cuir, là. Oui. Ceux-là. Mm-hmm. C'est ça, c'est ça. Des serviettes. Oui, pardon. Les attachés caisses. Oh mon Dieu. Les cours que les. Je sais pas dans quoi vous avez étudié, vous autres, mais moi j'appelle ça les cours que les étudiants sont plus chers que les profs dans mes cours. Ah oui. Mais bref, ils ont le droit, tu sais, c'est leur. Fait que non, c'est ça le. Puis là, ça a un peu chiré cet été à ce sujet-là, bel anglicisme. Oui, c'était bien, hein. Comme on se disait hier. Hein? Qu'il faut plugger le plus plugué. Le plus de mots anglophones as possible, please. Aujourd'hui, ça? Thank you. Yeah. Ou en général? Juste aujourd'hui, je pense. Juste aujourd'hui, je pense que... Une chose à la fois. En gros, c'était pour parler du fait que, tu sais, il y a eu deux grandes écoles de pensée par rapport à cette histoire-là. D'un côté, il y en a qui argumentaient sur la défense du français, qui disaient, l'UQTR, c'est une université francophone, dans une ville francophone, au Québec. On n'a pas d'affaire à jouer la game des anglophones puis à donner des cours en anglais. D'un autre côté, ce que d'autres disaient, c'est que ça attire des étudiants de l'étranger, premièrement. Ils ont plus de chances de parler anglais que français dans la vie, on va se le dire. Puis l'autre chose aussi, c'est que ça donnait un... Pour les francophones, là, c'est ça, je sais pas... Moi, je suis pas au courant, c'est qui avait accès tout à fait au cours, ça. Là encore, ça a été assez nébuleux dans comme souvent, les gros ostinages sur Facebook, ce que ça donne. Ce qui a été aussi dit, c'est que là, dans la langue des affaires, c'est l'anglais. Donc, c'est pratique d'avoir des cours en anglais. Ça te fait une petite immersion maison, puis tu peux travailler là-dedans. L'affaire... C'est de le faire à 100% au complet en anglais qui est rendu là, oui. Mais moi, l'affaire, de toute façon, ce que je me dis, c'est que... On s'entend-tu que l'UQTR, c'est une université de région, en quelque part? T'sais, on est là pour donner une formation aux gens qui, très majoritairement, vont retravailler dans la région. Puis c'est le but des universités de région, c'est de garder le monde qui a une formation en région, tu sais. Fait que... Ces gens-là, le besoin de parler en anglais qu'ils vont avoir, souvent, ça va être plus à l'écrit. De toute façon, on s'entend-tu que la majorité des publications qu'on utilise dans les cours à cette heure, ça va être des publications en anglais, anyway. Okay. Anyway. Voilà. You know what I mean. Anyway, you know what I mean. C'est quoi? Fait que... C'est quoi? Je traduis pour ceux qui ne parlent pas en anglais. OK, c'est bon. Les sous-titres sur la version C'est fou 2 sur la chaîne alternative. Non, mais Steph est en train de taper sur le site internet à mesure. Bien que ça à faire. Fait que c'est ça dans le fond le gros de ma chronique tournait autour de ça, puis j'ai pas obligatoirement pris position, peut-être que ma position transparaît un peu à travers. Moi ce que j'en reviens toujours, c'est qu'il faut se rappeler la mission de l'université, c'est à quoi que ça sert une université dans la vie. C'est pas un cégep, c'est pas une école professionnelle non plus, tu sais, mais en tout cas une petite pine contre les cégeps une fois de temps en temps, il y a le mal là-dedans, hein. Ouais, mais c'est pas une pine. C'est déjà une école technique, ça a sa place, puis c'est super important. Moi, je m'en vais travailler dans les cégeps probablement. Là, fait que c'est très important dans la formation, y compris les programmes techniques. C'est ce qui fait qu'on est capable d'avoir des infirmières au Québec, entre autres. Oui, tout à fait. ceci étant dit, un cégep et une université, c'est pas la même affaire. L'université devrait pas être un gros cégep big shot. Mm. Big shot. Big shot! un cégep, c'est un cégep. C'est une école de technique ou de préparation à l'université. Puis l'université, c'est une université. C'est une école que t'apprends à être, en quelque part, un peu un intellectuel dans un domaine précis. Mm. T'apprends à aller chercher plus loin, à aller chercher des connaissances plus poussées, puis aussi une pensée critique, mettons, qui vient avec, puis une capacité d'analyse, et ainsi de suite. Je sais pas où je m'en allais avec ça. Il est 7h45 le matin, à peu près. Bon matin. C'est alors 52, le temps passe plus vite. 52, oui, quand je parle, ça passe plus vite, en tout cas pour moi. Donc ça, c'est dans ta chronique qu'on va pouvoir en lire plus dans le journal de Zone Campus, qui est en kiosque aujourd'hui, ça va être sur zonecampus.ca aussi. Mais plus tard dans la session, est-ce que tu as des plans, des petits avant-goûts, des previews, comme on dit en anglais? Bien, premièrement, je m'attends à, bien sûr, éventuellement parler des psychodrames de l'AGE, parce qu'il y en a toujours. Ça, peu importe l'année, ça, il finit par avoir quelque chose qui se passe à l'AGE qui nous force à écrire dessus. Mm-hmm. Comme je disais dans mes chroniques l'année dernière, je suis pas un gros fan de blaster les gens qui décident de s'impliquer. Parce blaster? Qu'on a blaster? Ouais, excuse, je n'ai pas la date. Come on, là, tu sais. Ouais, c'est ça, j'aime pas tellement. Je cherche le mot français pour blaster. Parler contre les gens qui ramasser, tout ce que vous voulez. Les gens qui s'impliquent. Il y a des fois qu'on n'a pas le choix, tu sais, c'est des élus, ils nous représentent. Ouais. En tant que médias, on n'a pas le choix de des fois dire ceci est un bad move. Et parfois de le dire avec humeur. Bad move. Oui, c'est bien. Bad move. Pardon. Mais ça reste que, bon, moi, il y a ces sujets-là qui vont. C'est sûr, je ne pourrais pas prévoir qu'est-ce qui va se passer. Non. On s'en doute, on a des petits doutes, mais on ne sait jamais vraiment. L'autre chose aussi, moi, c'est sûr que souvent, ce qui passe un peu dans le beurre, y compris de la part des journalistes et d'un peu tout le monde sur le campus, c'est tout ce qui se passe au Pierre Boucher. Also known as... Oui. Oui, t'as pas payé ça, là? Pas payé. Le pavillon, dans le fond, où que toutes les big shots, on va leur dire, de l'UQTR se trouvent, ont leur bureau. Les big shots et les catacombes, les petits étudiants dans les bas-fonds de petits locaux. Est-ce qu'il y a encore des gens qui travaillent? Non, là, les locaux à Star, c'est tout. Oui, c'est vrai, les laboratoires de recherche. Oui, il y a ça. Ben, il y en a. Oui, c'est ça, il y en a encore. Oui, c'est les laboratoires de biomètre, je pense, en plus, entre autres, qui sont là. Fait que c'est des laboratoires qui fonctionnent, là, à ma connaissance, du moins. C'est ça, c'est souvent l'administration défrait la une, même dans le Nouvelliste, notre journal régional qui appartient à GESCA, la petite presse de Trois-Rivières, autrement dit. Mais souvent, sur le campus, on n'en entend pas parler du tout. Puis pourtant, la ville de Trois-Rivières, ça parle de les QTR, ci, puis ça, puis nous autres, ça passe comme dans le beurre. Fait que c'est sûr que je vais probablement faire une couple de chroniques là-dessus à travers de la session, parce que c'est toujours intéressant à savoir. Puis moi, étant originaire de Trois-Rivières, je le lis, le Nouvelliste. Aussi bien partagé avec mes multiples lecteurs, j'imagine qu'ils sont multiples. Oh oui, ils sont exponentiels. C'est sûr que t'es le chroniqueur de la section actualité de Zone Campus, mais est-ce que j'entends dire apparemment, et là, est-ce qu'on peut s'avancer sur le sujet, que cette chronique-là va avoir une tendance un petit peu plus éditorialiste un peu? Est-ce que j'ai bien compris le message? Je référerai à ma rédactrice en chef qui est censée passer plus tard à l'émission. Okay. On lui en parle. Je ne suis pas autorisé, en tout cas à ma connaissance, je ne suis pas autorisé à discuter de la question. D'accord. Et tu vois, un vrai, là, presque semi-wannabe politicien. Wannabe. Wannabe. Oui, wannabe. Oui, oui, wannabe. Pas bien dit. Et zig-zig, ha. C'est Spice Girls. Oui. If you wannabe, my lover. Je parle. Sébastien Figuertin. F qui veut évidemment dire frivolité. Donc, c'est pour ça, voilà. C'est pour ça qu'on a choisi le nom. J'y avais même pas pensé en plus. Sébastien Frivolité, l'universitaire Guertin. Toujours, comme j'ai dit en introduction d'émission, aux Aguertin. Hein, ça aurait été un autre nom si c'était moi qui l'avais trouvé. Mais une chance que tu l'avais trouvé avant. T'sais. Parce que des fois, je force les gens à prendre les noms de chroniques. Oui, puis c'est souvent des jeux de mots. Exemple. Douteux. Comme. Oh mon Dieu, si mon humeur vous déplaît. Ah, c'était parfait, ça! Le Véronictionnaire. Oui, ça, c'est un de mes meilleurs. Non, ça, c'était bon. Véronictionnaire. Je dirais le seul qui passe, en fait. Mais en fait, c'est les deux seuls que j'ai choisis pour les chroniqueurs. Je suis sûr que non. Ah, les enfants. Donc, Sébastien Aviartin, on te retrouve aux deux semaines. Oui. C'est les mardis, 7h30, en début d'émission. Ben, tu sais, 7h30, c'est relatif à Assemblage Requis, hein, tu le sais. 7h40, tu le sais maintenant. Ouais, c'est ça. Après la première chanson qui débute l'émission. Bon. Donc, merci d'être venu à l'émission et à bientôt. Ben, merci de m'avoir reçu. Puis à dans deux semaines. Ce fut un plaisir. Et on se souhaite plein de scandales. Ah oui, il faut avoir du matériel à dire. Parce que sinon, c'est plate. C'est ça. C'est doll. Oh, doll! Oh. C'est poupée. Ça fait. Baby doll. Yeah. Non, mais ça dépend si c'est un U ou un O. Mm. Doll avec un U, ça veut dire plate. Ou D-O-L-E. Ça, c'est une banane. Moi, je prends la banane. OK. Ah, je pense qu'on n'est pas encore réveillé. On va entendre une pièce du palmarès anglophone un peu et par le fait même, par association, par lien vers demain. Parce okay. que demain, mercredi soir, c'est le spectacle de la rentrée de l'UQTR. Oh! Avec, entre autres, Mister Valère, avec Radio Radio, avec Dead Obies, mais aussi avec Debbie Tebbs. Et on s'en va entendre une pièce de Debbie Tebbs featuring Mister Valère. Donc, on va entendre deux affaires en même temps, toi. C'est la chanson Hop! Pour l'exclamation. Assemblage Rocky. Oh, c'est fou. C'est Assemblage Rocky, c'est l'émission du matin. Parce qu'on est le matin. Matin, en ce moment. Ouais. C'est pour ça qu'on a pas mis le mot matin dans le titre. Ça finit de même. Hop! De Debbie Tebbs et Mister Valère. Ouais! Featuring! Hein? Featuring! Oh! Il y a des pieds là-dedans. Feet! au retour, c'est un fait. Ah, c'est un genre qui reste là. Bon, vous êtes toujours à Assemblage Requin, c'est Philippe Paradis. Et avec Mathieu Plante. On a gardé un petit Sébastien Fugertin. Ben oui. Toujours avec nous pour la prochaine chronique, une partie au moins. Moi, ça, je vais commenter. D'ailleurs, félicitations avec votre petite toune de retour de pause. Là, elle est magnifiquement joyeuse. Cool, hein? Ça se réveille bien le matin. Je me suis dit, il fallait de la bonne humeur dans nos matins. Ben oui, des fois, ça peut aider. Tu sais, il y a des matins, des fois... Que ça va être l'automne, puis que... Ouais, tu sais, le mois de novembre, je pense que le mois de novembre, elle va faire du bien, cette chanson-là. Hey, on parle-tu pour rien dire dans cette émission-là? ça nous amène à parler de choses qui sont véridiques, véritables et vérifiables, selon Internet. Voici C'est un fait. Et là, on chante ensemble, mais juste Steph et moi, parce que tu connais pas la chanson. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. Pas ça, note, là. Pas ça, c'est un fait. Fait. Des choses que tu sais pas. Des choses que je sais pas. C'est un fait. Ah, t'as tout gâché. C'est un fait. C'est moi qui ai tout gâché. C'est pas ça, sur le bon timing de Q. Tout était pour ça, Anna. Ben ça, c'est sûr. C'est quoi le plus important les deux? C'est de suivre le rhythm. Le beat. Le beat. Bon, bon, ça y est. Donc, on essaie d'élever le niveau de connaissance de tout le monde, dont nous-mêmes, avec des choses qu'on ne sait pas, d'où la chanson qu'on vient de chanter. Hein. C'est des choses que vous ne savez pas et des choses qu'on ne sait pas. Ouais, mais probablement qu'ils n'ont pas compris. J'étais pas sur le beat. Voilà, c'est ça. Ils n'ont pas compris les paroles, sûrement. C'est ça. Donc, aujourd'hui, on se fait un petit bloc sur la santé. Donc, on va essayer. On n'est pas des médecins, mais on va essayer de se comprendre là-dedans. Okay? On va commencer en se faisant craquer les jointures. Tout le monde, est-ce que vous faites craquer non. les jointures? Ben oui, mais... Moi, c'était déjà fait, je pense. Je ressens pas le besoin. Non. Moi, je l'ai faite, mais de manière non audible. C'est ça. Le micro, t'as pas entendu. C'est ça. Il aurait fallu que tu mettes le gain un peu plus haut. Exact. Comme si on n'entendait pas déjà assez le son du vent dehors dans nos micros, tellement ils sont sensibles. Donc, craquer vos jointures ou n'importe quelle... en fait, les jointures de main ou n'importe quelle autre jointure peut avoir des raisons thérapeutiques ou en tout cas des bienfaits thérapeutiques. Voilà. Ah ouais? Lorsque vous faites craquer vos jointures, vous tirez sur les os qui sont connectés à la jointure, donc vous les séparez les uns des autres. Ce processus-là va stimuler vos tendons, relaxer vos muscles et relaxer vos jointures. Les chiro font ça entre autres pour la colonne vertébrale et le dos, quand vous avez mal au dos. Vous pouvez aussi le faire vous-même pour vos pieds, vos orteils, votre cou et vos genoux. Je pense que tout le monde le sait. Moi, c'est rendu que je me lève d'une chaise puis je craque des genoux. T'as une série de craquements à faire pour bien te senser. C'est ça. Je me sens vieux, tu sais. Donc, faire craquer ses jointures va jamais mener à de l'arthrite, contrairement à ce que peut-être que votre belle-mère vous a dit. Mais les scientifiques ont découvert que ça peut causer des dommages au tissu, dans vos jointures, finalement. Donc, faire craquer vos jointures, ça va étirer vos ligaments. Trop étirer vos ligaments va causer des dommages à vos doigts, entre autres. Un peu comme une blessure au bras d'un joueur de baseball, mettons, qui ferait trop de lancers dans sa carrière ou trop intense. Donc, en plus de vous donner des douleurs, bien sûr, le dommage aux ligaments peut aussi amener à une moins grande force des mains pour agripper quelque chose, devenir moins bon pour agripper. Hein? Imaginez ce que ça va faire dans votre vie sexuelle. Hein? c'est vrai, parce que on aime ça agripper fort. Donc, les jointures sont entourées d'un liquide qu'on appelle le liquide synovial. J'ai cherché en français, c'est bien synovial en français aussi. Il y a un Y, me semble, là-dedans. Oui. S-Y-N-O-V-I-A-L. Donc, quand vous étirez vos ligaments en tirant, donc en séparant les os, en les étirant pour faire craquer vos jointures, un gaz qui est dans le liquide synovial va s'échapper, va devenir une bulle. Ça s'appelle la cavitation. Ouais, ben. La cavitation se termine lorsque la bulle pète, explose, ce qui produit le petit son qu'on connaît et qu'on adore. Après ça, vos jointures seront plus capables, typiquement, de craquer pendant 25 à 30 minutes suivant la fois que vous l'avez craqué. Parce qu'il n'y a plus de gaz, c'est échappé. Ah, c'est pour ça! C'est pour ça, une demi-heure. Mais là, m'a posé une question de philosophe. Mais le gaz vient d'où? Oh! Si t'entends pas le gaz en te faisant craquer les doigts, a-t-il vraiment existé? Le chat, le Schrödinger, ou peu importe. ça va prendre 25 à 30 minutes avant que le gaz soit réabsorbé dans le liquide. C'est sa période réfractaire. Il peut pas aller se baigner non plus. Après avoir mangé. C'est ça. Tu prennes des crampes. On reste en médecine avec le syndrome de bipolarité. Maintenant, donc le syndrome ou le désordre de la bipolarité, c'est une maladie mentale et les personnes qui vivent ça vont avoir des périodes d'humeur, voilà, élevées ou excessives, qu'on appelle manie ou hypomanie, et des périodes de dépression. Les risques de suicide sont plus élevés d'ailleurs pour les personnes qui sont bipolaires. On dit plus que 6% sur 20 ans. Okay. Et les l'auto, comment dire, automutilation, si on veut, arrive à entre 30 et 40 % à 30 et 40, à 40 % des gens qui ont ce désordre-là, exactement. Il y a des scientifiques qui croient maintenant que le désordre de la bipolarité pourrait avoir des avantages évolutionnaires et que c'est peut-être un résultat de l'évolution. Hein? Hein? Ils disent que si t'es vraiment stressé, que t'as, dans le fond, t'as un peu... Ça pourrait être un mécanisme de défense. Voilà. Donc, contre quoi? Ben, contre le stress. Contre une genre de mauvaise hygiène de vie. Ça, en ouais. fait, quand j'étais au bac en psycho, je me rappelle d'avoir vu ça dans un cours à un moment donné, mais on disait ça pour la dépression. Okay. Trouble bipolaire, c'est une autre affaire, mettons. Mm-hmm. Mais en tout cas, pour la dépression, ça, j'ai un prof d'université qui a un PhD qui m'a déjà dit ça. Plus de sources qu'Internet. Non. Donc, l'humeur déprimée va forcer une personne de se retirer ou de s'éloigner de son stress ou de la source de son stress. Il va aussi avoir tendance, la personne va avoir tendance à plus dormir, ce qui va préserver ses ressources et son énergie pour des périodes où il va aller mieux. La manie ou hypomanie, comme on a dit en début d'article, donc de l'autre côté, stimule la créativité, la confiance en soi et l'énergie. Donc, les biologistes évolutionnaires ont comme hypothèse que le trouble bipolaire aurait pu provenir d'une adaptation à des conditions climatiques extrêmes dans la zone plus du nord où il faisait plus froid, finalement. Donc, la dépression aurait aidé à la survie pendant les longs hivers parce qu'il y avait plus... Bon, les gens pouvaient dormir plus, ce qui donnait une genre de mini-hibernation. Il n'y avait plus vraiment d'intérêt dans les activités sociales et ils mangeaient plus. Donc, ça les faisait survivre pendant l'hiver. Les étés étaient plus courts, donc les périodes de manie. Donc, il y avait des niveaux d'énergie augmentés, ce qui permettait de compléter des tâches qui étaient nécessaires à faire dans une plus courte période de temps disponible, donc chaude, dans la période chaude, pour se préparer pour l'hiver. C'est pour ça que ça s'appelle polaire. C'est ça? C'est exactement ça. Tout compris, c'est pas tout à fait aussi regarde, vrai, mais... on retient bien ce qu'on veut. Hein? C'est ça, on écoute ce que ça nous tente. Tant que tu as appris, c'est ça l'important. C'est ça. On essaye tous ensemble d'apprendre un peu. Avant les années 70, les batteries de pacemaker devaient être changées souvent par chirurgie. Savez-vous ça? Ah, c'est agréable. Ouais. Donc, les pacemakers, c'est des appareils électroniques qui aident le cœur à battre sur le rythme, sur le beat. Donc, c'est des petits implants. J'en aurais peut-être besoin pour chanter la toune d'intro. Hein? Peut-être! Donc, c'est des petits implants qui stimulent le muscle du cœur pour qu'ils battent sur le rythme. Et ça sauve des vies depuis 1958. Tous les pacemakers ont le même problème, c'est que ça demande des batteries pour fonctionner. Et au début des pacemakers, les batteries devaient être remplacées assez souvent, ce qui demandait une chirurgie complète à chaque fois. À la fin des années 70, les scientifiques du Los Alamos Scientific Laboratory ont commencé à faire des recherches pour produire un pacemaker qui fonctionnait au nucléaire. Le premier implant a été fait en 1970, OK? Ils ont commencé à étudier ça à la fin des années 70, mais en 1970, ils ont fait le premier implant. Ben, j'imagine qu'ils ont étudié c'était après. Rapide. Hein? Moi, c'est ça. Donc, un total de 132 patients ont reçu un appareil similaire pendant les 13 années qui ont suivi. Les pacemakers étaient fonctionnaient en fait avec une batterie au plutonium. Ils devaient durer jusqu'à 80 ans. C'est pas dangereux, ça? Ben, c'est ça. Ben, en fait, en 2007, en date de 2007, 9 patients nucléaires étaient toujours en vie. Ben, dans tous ces cas-là, le pacemaker avait vécu plus longtemps que la personne. Donc, ils ont enlevé le pacemaker et ils l'ont changé pour un autre avec une technologie plus récente. Ah, quelque chose, hein? Ben ouais. Donc, maintenant, c'est des batteries au lithium qui augmentent l'efficacité des appareils électroniques modernes. Et donc, éventuellement, ça a mené à la mort des pacemakers nucléaires. OK, j'ai comme à la mort de qui? C'était pas bon, les pacemakers? Est-ce que vous manquez de sommeil? Pardon? Est-ce que vous manquez de sommeil? En général ou seulement ce matin? je sais plus, là, les deux peut-être, ce qui vous a donné à répondre. Ben, comme je disais tantôt, ben, pas en onde, là, fait que c'est comme si je l'avais pas dit tantôt. Mais nous, on le savait, fait qu'on va faire comme ça, on savait pas qui. Okay. Ouais, c'est surprise. Ça. Tu sais, quand tu te lèves le matin, j'ai pas fini. Ah, OK. Quand tu te lèves le matin... Quoi? Wow! Quand tu te lèves le matin... C'est incroyable! Unbelievable! Oh, pas pire, celle-là. Ouais. Puis que ta brosse à dents... Puis que ta brosse à dents est encore 30. Non! De la veille. C'est parce que t'as pas assez dormi. C'est un signe. Sébastien? C'est ta... Je sais plus quoi dire. Serviette qui était humide. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai on connaît beaucoup trop ta vie. C'est nous autres qui est allés mouiller cette nuit. Ouais, c'est ça. Ou autre raison. Mais quand c'est où je reste? Non, En tout cas, oh, je veux pas le savoir au peu. Donc souvent, on ignore l'importance du sommeil parce qu'on se dit, on a tellement de choses à faire, si peu de temps à faire, tellement de chroniques à préparer pour une émission de 2 heures qui va suivre Assemblage Requis maintenant de 9h30 à 11h. Pourquoi est-ce que j'ai mis ça juste après Assemblage Requis? Parce que t'es un bourreau de travail. Je pense que c'est ça. Donc les études nous apprennent que le manque de sommeil peut être lié à une pression sanguine. Atmosphérique. Pression sanguine, la pression... Atmosphérique du sang. Du sang, exactement. Donc augmenter des risques de diabète plus élevés. Un risque augmenté de fibromyalgie, l'obésité, la douleur musculaire et la dépression, pour n'en nommer que quelques-uns. Donc, te priver de sommeil pour un examen, par exemple, c'est sûrement la pire chose à faire parce que parmi les conséquences du manque de sommeil, son effet sur l'attention et sur la mémoire sont probablement les plus importants. Les gens qui manquent de sommeil ont une meilleure mémoire à court terme que les gens qui sont au repos. Mais si tu manques de sommeil, ton cerveau doit travailler plus fort pour accéder à ta mémoire, à tes souvenirs et tout ça, et à ton raisonnement logique aussi. Si tu manques beaucoup de sommeil, là, on parle vraiment de intense, là, ton comportement peut ressembler à celui d'une psychose. C'est parce que le manque de sommeil t'empêche d'évaluer de façon appropriée les événements émotionnels. Donc, tu vas réagir à ces événements-là de façon inappropriée. Donc, tu vas surréagir émotionnellement ou tu vas être peut-être un petit peu plus genre dans ta face ou tu vas vraiment moins te censurer, si on veut, ce qui ressemble à des symptômes qu'ont les patients de psychose. Donc, on recommande, comme toujours, on le sait, je pense que c'est pas nouveau, entre 7 et 8 heures. Pas nécessairement 8 heures. Il y en a qui vont dormir 8 heures ou plus. Il y en a qui vont dormir 6 heures ou moins et être tout aussi performants. Ah, mais ça dépend des personnes. C'est pas tout le monde qui a besoin du même nombre d'heures de sommeil. Exact. Et en plus, ben, c'est ça, ça peut aller bien. T'sais, si, mettons, t'as dormi 4 heures cette nuit, mettons. Exemple totalement fictif. Hein. tu sais, ça va bien à date, mais le mur de la fin de la journée va frapper fort, je pense. Probablement. D'après moi. Ensuite, les papillons dans l'estomac. Oh, c'est cute, hein? Ouais. Les petits papillons, les butterflies, des mouches à beurre, comme on appelle. Donc, la sensation que tu as dans l'estomac quand la personne que tu aimes vraiment beaucoup, disons, te regarde. Les papillons dans l'estomac, c'est une réponse au stress. Lorsque les gens sont stressés, les signaux du cerveau sont transmis à l'hypothalamus. Hein? Oui, ça existe. Exact. Et vous allez m'aider avec le français encore. La glande pituaire. Pituaire. J'étais proche. Pituaire. Tu me ramènes dans mon bac en psycho, toi, matin. Ouais. Une chance que vous êtes là, quand même. Donc, c'est des parties du cerveau qui sont responsables pour les fonctions corporelles. Donc, la glande pituaire va certainement signaliser aux glandes adrénales. Donc, ils sont sur chaque. Hein? Les glandes-là sont situées sur... Hey, ça fait un bout. Ouais, tu pars de loin, tu donnes même pas début de mot. Je fais un bloc sur la médecine alors que j'ai aucune référence en français à la médecine. Et kidney, c'est le... Le rein. Foin. Le rein. Je me mets dans le foie, le poumon et le rein. Les mots sont vraiment confus dans ma tête. Mais bref, ça, c'est sur chaque rein. Donc, ces glandes-là vont relâcher de l'adrénaline et d'autres trucs chimiques dans votre sang. Donc, l'adrénaline cause les palpitations cardiaques, l'augmentation de la pression sanguine et la circulation améliorée des muscles. OK. Donc c'est ça, c'est donc vu que le sang passe, il y a trop de termes médicaux, là, vu que le sang passe à travers tes poumons et tes muscles, moins il va y en avoir à vos autres organes, incluant l'estomac, ce qui va causer une sensation de nausée. Ah. Est-ce que ça se tient proche? Ben oui, ça se tient. Bon, voilà, on se comprend. C'est un beau stress. Un beau stress, c'est ça, c'est le bon genre de stress. Maintenant, parlons d'une femme qui a vécu un accident. C'est une cycliste qui s'entraînait pour les Paralympiques. C'est Monique van der Voorst, une femme de 27 ans, des Pays-Bas, qui était une athlète paralympique. Donc, elle était cycliste avec les mains. Donc, après la collision, lorsque un vélo a frappé van der Voorst, donc un autre vélo, elle a fini à l'hôpital. Elle a commencé à sentir des picotements dans ses jambes et tranquillement, elle a commencé à avoir du mouvement dans ses jambes. Et après plusieurs mois de réhabilitation, elle a été capable de se lever debout et de marcher pour la première fois depuis plus d'une décennie. Elle devait être fâchée, par exemple. Elle ne pouvait plus participer aux Jeux paralympiques. Elle dit que ça lui manque, en fait. Van der Voorst est paralysée depuis l'âge de 13 ans. Avant l'accident qui a ramené sa capacité de marcher, Van der Voorst s'entraînait pour faire partie de l'équipe paralympique en 2012 à Londres. Étant donné qu'elle peut maintenant marcher, elle ne peut plus compétitionner aux paralympiques. T'sais, elle aurait pu continuer de faire du vélo avec ses mains, mais elle n'a pas le droit parce qu'il ne faut vraiment pas avoir l'utilisation de ses jambes. Il aurait pu donner une dérogation, je sais pas. Ouais, tu sais. Au moins pour une fois. C'est pas de sa faute, là, c'est un accident. C'est tellement un concours de circonstances. De fou. Pauvre. Mais Van der Voorst travaille fort pour apprendre à faire du vélo normal, genre avec les jambes. Elle est maintenant dans l'équipe de cyclisme Rabobank et elle travaille pour rattraper les autres athlètes de son équipe. Son but est de compétitionner aux Olympiques de 2016. OK, OK, ouais. Quand même. Elle reste dans le domaine. Mais. Cool. Mais c'est pas exactement la même chose. Non. Puis, s'il est capable, mon Dieu, de passer au niveau olympique quand même en peu de temps, là, je trouve ça impressionnant. C'est oui. vraiment incapable de le faire. Mais tu sais, elle a déjà tout le cardio, puis tout le, c'est le vrai. Cardio pulmonaire qu'elle a déjà tout. Même elle a déjà le saut aussi. Ouais, c'est ça, ça. Est-ce que vous êtes germophobe? Pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est-tu la peur des germes ou des Allemands? Germanophobe. Donc, si vous avez peur des microbes, que vous voulez trouver une façon de garder votre maison, en tout cas, le plus sans microbes possible ou avec le moins de microbes possible, disons, sans avoir à tout le temps nettoyer, par exemple, vos poignées de porte. Hein, vous pourriez remplacer vos poignées de porte et à peu près tout ce qui se remplace avec ça, à part du cuivre, du copper, comme une pile Duracell. Et vous pouvez trouver même un siège de toilette en cuivre et un mécanisme pour flusher la toilette pour faire attirer la chasse. Ça va être encore mieux parce que le cuivre tue les bactéries. Ça s'appelle l'effet oligodynamique. C'était découvert en 1893 par Carl Wilhelm von Nagali. Lui, c'est allemand. Mais mon Dieu, t'es-tu allemand ou japonais? C'était pas clair. Mes accents, je t'ai dit, je suis maître des accents, mais c'est juste jamais le bon. Donc, le cuivre et certains autres métaux. Ont un effet toxique sur ce qui est moisissure, champignons, virus, etc. Et une étude nous apprend que le cuivre ajouté ou en tout cas remplacé dans les hôpitaux tuait les microbes très rapidement. Dans un essai de 10 semaines à l'hôpital Sally Hawke de Birmingham, donc on a changé les robinets et tout ça avec du cuivre et aussi les plaques pour pousser les portes, tu sais, les petites plaques de métal. Oui, puis tu vois, il y a des traces de doigts. Une chance qu'ils ont enlevé ça à l'université, c'était les pires portes qui avaient ça. Les portes des salles de bain, là, sans cesse. Oui, fait que là, maintenant, à place, on voit en dedans. À ouais, place. C'est ça, il n'y a juste pas de porte. Une vie privée, tu sais, comme c'est on l'appelle. C'est ça, tu sais, c'est... Tu sais, pour les filles, c'est pas trop pire, il y a un cabinet au moins. C'est ça. Nous autres, les gars, on est comme debout, tu sais. Allô? Ça va? Donc, on a remplacé ça par du cuivre. On a passé, tu sais, les petits trucs, là, pour prendre un échantillon, hein, c'est ça, pour prendre un échantillon des microbes dessus deux fois par jour. Et on a appris que 95% moins de microbes étaient quand situés même. Sur ces endroits-là, dans l'hôpital. Même si on ne sait pas encore comment le cuivre fait ça, on croit que le cuivre interfère avec le métabolisme des bactéries, les empêchant de se nourrir et détruisant leur ADN. L'étude nous apprend aussi que le cuivre tue le E. coli, entre autres. Cool, hein? Fait que dans le fond, quand vous êtes pas sûr si vous pouvez boire de l'eau, tu sais, en camping ou de quoi, vous prenez un morceau de cuivre, vous mettez dedans, puis vous mettez quelques scènes, tu sais. Mais qu'est-ce que c'est? C'est en cuivre, hein, des scènes. Oui, les vieilles scènes noires qu'on n'utilise plus. C'est à ça que ça sert. Un verre en cuivre, on pourrait couler toutes nos scènes noires, puis faire des verres en cuivre. C'est ça. Mais ça. Mais ça laisse un goût, hein, des fois. Tu sais, même. T'sais, de sang, un peu, je trouve. Ouais, c'est ça, tu sais. Métallique. Métallique. Comme on dit. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand tu fais des tuyaux de cuivre, on dirait. Ouais, je fais ça des tuyaux. Oui, ça arrive souvent, ouais. Okay, donc, les poignées de porte qui sont capables de se nettoyer elles-mêmes en environ 8 heures, qu'on dit. Si la poignée de porte, par contre, est faite d'acier inoxydable ou d'aluminium, alors l'effet oligodynamique ne s'applique pas et ces poignées-là vont rester remplies de bactéries. Donc, faites attention, c'est pas parce que ça ressemble à du métal, une poignée de métal comme la porte du studio ici, c'est probablement pas du cuivre. Non. En fait, c'est pas du cuivre. Je peux pas mal vous dire ça. La voix de Looney Tunes. Ça veut dire d'autres choses? Excuse-moi. Non, j'ai tassé une mouche. Je pensais que ça voulait dire, j'ai rien à dire d'abord, si tu veux continuer de parler, pas. Donc, la voix de Looney Tunes s'est réveillée d'un coma répondant avec la voix des personnages des Looney Tunes. Oh, c'est agréable. C'est vraiment, non, ça lui a sauvé la vie. Hein? Donc, c'est agréable, en effet. C'est cool. Donc, Looney Tunes, un souvenir pour bien des gens. La nostalgie est présente dans Looney Tunes, juste en les regardant. Mais la voix de presque chaque personnage, Mel Blanc, lui, ça, il s'est peut-être fait sauver la vie par ses personnages. Donc, Mel Blanc a vécu un accident horrible de voiture en 1961 à Dead Man's Curve, à San Francisco, et s'est presque fait tuer. Mais à la place, il est tombé dans un coma plusieurs semaines sans aucun signe de vie ou d'impression qu'il allait revenir à la vie. Donc, 14 jours après l'accident, on a essayé quelque chose de nouveau. Est-ce qu'on dit neurologiste? Neurologue. Ça dépend du mot, hein. Ouais. Des fois, c'est juste, des fois, c'est... qu'est-ce que ça allait dire? Non, je m'allais juste dire que ça s'alignait pour être un beau d'anglicisme. Ouais, genre. Les neurologues ont essayé quelque chose de nouveau. Ils ont demandé à Mel Blanc, Bugs Bunny, comment allez-vous aujourd'hui? Et la voix faible du monsieur a répondu après quelques moments, « What's up, Doc? » comme Bugs Bunny disait. Le docteur a continué, ou le médecin a continué. Justement, médecin, docteur, c'est une autre affaire que je saisirai sûrement jamais. Donc, le médecin a continué à lui demander des questions dans le rôle de d'autres personnages des Looney Tunes. Donc, il demandait si les autres personnages étaient présents, entre autres Tweety. Et Blank répondait avec les voix. Et il s'en est remis quelques mois après, après un peu de réhabilitation. Ah ben, Colin! Génial. On passe 40 minutes par jour aveugle. Hein? Oui, ben ça, c'est vraiment, je pense, c'est mon plus intéressant cette semaine. C'est peut-être compliqué, mais moi, je trouve ça vraiment super intéressant. Donc, c'est que ta tête bloque des images tout le temps et refuse de les processer, comme on dit. T'sais. Donc, quand tes yeux bougent, ton cerveau ne comprend pas tout ce qui se passe parce que sinon, tu auras une image très, très floue envoyée à ta rétine. Donc, pour remplir les trous dans le temps et empêcher le flou, ton cerveau va créer une illusion d'une fraction de seconde pour t'empêcher de remarquer ça. Ça s'appelle le saccading masking. J'imagine le masquage saccadien. Je sais pas. Je sais pas. Donc, ça nous empêche de vivre un flou total. Donc, ton cerveau va remplacer les images floutes, comme on dit. Floutes. Avec une image statique du prochain objet qui va avoir le focus. Donc, ce que tu regardes après avoir bougé tes yeux va avoir l'air de rester sans bouger pendant une certaine période de temps. Mais en fait, c'est la même image étirée sur une plus longue période de temps pour couvrir le flou que tu aurais eu sinon. Donc, on appelle ça en anglais « stop clock illusion ». Donc, c'est là que la première seconde, quand tu regardes l'horloge, va avoir l'air plus longue que les autres. Ah! Wow, hein? C'est donc bien intéressant. C'est vrai que ça arrive souvent, on regarde l'horloge et on se dit « voyons, l'aiguille est arrêtée ». Ouais, en cinéma, c'est pour ça qu'ils disent, tu sais, des zooms, là, quand tu vois un zoom dans un film, là, c'est pour ça que c'est désagréable. Tu sais, je sais pas si vous savez, ça donne une espèce de petite sensation pas le fun sur le coup. Là, genre de mal du mouvement, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. C'est à cause de ça, c'est que notre vue, elle zoome pas dans la vie. Tu sais, des mouvements de caméra. Tu sais, je sais pas si vous avez vu Cloverfield ou Blair Witch Project. C'est à cause de, d'après moi, c'est à cause de ça. Ouais, les zooms. Ce qui gosse aussi dans la vie, c'est la musique de Zumba. C'est vraiment gossant, la musique de Zumba. Ça doit être pour ça aussi, le mal des transports en voiture, en bateau, ça doit avoir un lien. Ouais, puis même, j'en ai un fait vite de même, je sais pas où j'ai pogné ça, parce que c'est quelque part sur Internet, ça a l'air qu'il y a du monde qui ont du mal des transports dans les jeux vidéo récents, parce que c'est tellement rendu réaliste. Oui, mais... Faut que tu fasses attention quand ils développent, parce que ça donne mal au cœur aux gens. Là. Même pas récent. Mon père avait un petit jeu sur Windows 98, là, puis il était pas capable de jouer parce que les voitures se promenaient dans un univers 3D. Ouais. Il était incapable, il filait mal, vraiment. Puis c'était pas réaliste du tout. Là. Fait que c'est sûr qu'il y a un lien avec ça, là, mal des transports. C'est quoi le jeu avec la fille à la première personne? Il y en a plein. Non, mais celui qui va y avoir une deuxième partie. Mirror's Edge, voilà. Ils ont mis un point, Mirror's Edge, sur PlayStation 3 et autres. Il y a un point dans le milieu de l'écran qui est supposé t'enlever le mal des mouvements que t'aurais s'il n'y avait pas le point dans le milieu de l'écran. Ah? Ça va être ça? Non. C'est pour ça le point dans le milieu de l'écran. C'est pas un pixel mort sur ta TV. T'sais. Ah, intéressant. On est toujours en médecine, c'est un petit bloc sur des choses qu'on connaît pas, hein, mais qu'on essaie d'apprendre en même temps. Le shampoignage, on en a parlé il y a quelques semaines de ça, des no-poux, entre autres, ceux qui se lavent pas les cheveux avec du shampoing, on appelait ça le mouvement des no-poux, c'est bien ça? Du pas de caca, c'est ça? Pas de caca, on avait fait la même blague il y a quelques semaines. J'ai aucune idée. Tu te rappelles vraiment pas de cette chronique-là? Bon. Parce que c'est ça. Les petits blackouts des chroniques des fois. Donc, les shampoings synthétiques ont été amenés sur le marché seulement dans les années 30. Et c'était disponible pendant presque 40 ans avant que le shampoignage quotidien devienne la norme aux États-Unis. C'est seulement dans les années 70 et 80 que les Américains ont commencé à se laver les cheveux quotidiennement. Il y a encore une croyance aujourd'hui, et ça, je pense qu'on le sait, on l'a aussi dit souvent, que se shampoigner tous les jours, c'est très mauvais pour les cheveux. Et pour le cuir chevelu. Chevelu, pas chevelu. Parce qu'il y a les cheveux dessus, c'est un cheveu chevelu. Donc, le shampoing enlève les huiles naturelles, donc le sébum qui est produit par le cuir chevelu. Ce que ça fait, c'est que le cuir chevelu va produire plus d'huile pour compenser et là, ça va débarrer un cercle vicieux. Certains dermatologues, on va se le dire, dermatologues, prononcé. Merci beaucoup. disent que c'est mieux de graduellement augmenter l'intervalle entre plusieurs lavements de cheveux pour permettre aux glandes sébacées, ça c'est ça, de se produire plus tranquillement, ce qui va donc normaliser le rythme naturel de la production du sébum sur le cuir chevelu. C'est pas certain, on sait pas vraiment pourquoi le public américain a commencé à se shampooiner quotidiennement, parce que même les compagnies de shampoing ont toujours dit, peut-être plus maintenant, mais disaient au début, de pas se laver les cheveux à tous les jours. De nos jours, c'est tout à écrit genre rincer et répéter si désiré. Mais au besoin. Mais ça dit pas de vous laver à une certaine fréquence d'habitude. Selon un article publié dans le New York Times en 1908, les spécialistes des cheveux recommandent de shampooiner les cheveux. Et là, ça, c'est en 1908. Écoutez bien ça. On peut aller jusqu'à chaque 2 semaines. Ça, c'est le plus court laps possible qu'on peut faire. On peut faire ça 2 semaines. Mais entre 1 mois et 6 semaines, ce serait le meilleur intervalle si les cheveux sont en bonne condition. Ça, c'est en 1908 qu'on disait ça. Mm-hmm. Aux 6 semaines. Ça, c'est le 6 semaines, c'est la fréquence que je me fais couper les cheveux. T'sais. Fait qu'à chaque fois que je me fais couper les cheveux, le lendemain, je me lave les cheveux. Écoute, je me fais couper les cheveux encore moins souvent que ça. Tu peux t'en faire combien de temps sans te laver les cheveux, mettons, dans la vie en général? Me laver les cheveux? Ouais. 2 jours. 2 jours. 2 jours max. Une journée? Ouais, probablement une journée. Sébastien? Une journée ou deux, là, ouais. Effectivement. Là. Tout dépendant si je me suis mis du gel dans les cheveux ou tout. Toi, tu t'en mets vraiment à tonne, hein? Ouais, mais ça dépend parce que j'en ai des nouveaux, puis celui-là, c'est pas mon préféré. OK. Moi, je fais des tests. Ah oui, il y a plus de produits de cheveux que moi. Ouais, ouais. C'est terrible. Je me disais que ça allait sortir un jour. Non. le glaçage de gâteau est meilleur pour la santé pour vous que du Nutella. Bon, ça y est. Bon. Ouais, mais ça dépend. Il fait avec quoi ton glaçage de gâteau? Ben, c'est du cacao ou des noisettes, c'est la même affaire. On parle de glaçage de gâteau typiquement chocolaté. C'est pas la recette en tant que telle, mais parlons des calories qu'il y a et tu me diras à peu près avec quoi tu le ferais pour avoir ce nombre de calories-là vu que tu connais ça. Ah boy. Donc, le Nutella, c'est une des tartinades sûrement les plus délicieuses au monde. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Lève ton sûrement, c'est comme. C'est clair. Je pense que c'est un no contest à faire. Exactement. No contest. une étude nous apprend qu'on pourrait aussi bien tartiner du glaçage au chocolat sur nos toasts à la place. Ben oui. Donc, ABC a fait des recherches sur le Nutella et d'autres nourritures qui ne sont pas bonnes pour la santé et ont découvert que c'est à peu près aussi bon pour la santé qu'une barre de chocolat. Une cuillerée à table de Nutella contient 100 calories, 6 grammes de gras, 2 grammes de gras saturé et 11 grammes de sucre. Et là, je vais faire la comparaison en vous disant le comparatif parce que c'est, je l'ai dit assez vite. Par comparaison, du glaçage à gâteau typique, générique, a 75 calories, ce qui est le 3 quarts de l'autre. 3 grammes de gras, qui est la moitié de l'autre. 1 gramme de gras saturé qui est la moitié de l'autre et 7,5 grammes de sucre comparé à 11 grammes pour le Nutella. Donc, le glaçage à gâteau est meilleur pour la santé. Nutella s'est fait amener en cours d'ailleurs pour avoir fait des publicités disant que c'était quelque chose de bon pour la santé à manger pour déjeuner, que ça donnait de l'énergie, que c'était parfait. Ils ont aussi là, des termes juridiques, je connais autant ça que la médecine, mais il y a une poursuite en class action lawsuit, donc par rapport justement aux aspects santé qui étaient annoncés dans leur publicité, pour 2,5 millions. Donc tous ceux qui ont acheté et ils ont settlé, donc ça veut dire qu'ils ont accepté de donner de l'argent à la place de continuer la poursuite. Donc tous ceux qui ont acheté du Nutella entre janvier 2008 et le 3 février 2012... ont droit à une petite partie de somme d'argent. Ah, contactez ouais? votre avocat aujourd'hui. Mais oui. Où est ta preuve que tu as acheté du Nutella? Tu as pas tes factures, toi? Ouais, de Nutella. Clairement. Non, mais le Nutella, c'est plein d'huile de palme qui est vraiment horrible pour la santé. Puis en plus, c'est pas... Ça tue pas les forêts, ça, pour avoir ça, l'huile de palme, de palmier? J'ai vu plein de mouvements partir par rapport à ça. Je pourrais pas dire, là. Je me suis pas beaucoup plus informé que ça, là. Mais... Le Nutella dessus. Le Nutella dessus. Wow. Le slogan. Après, pour être vraiment honnête, à la place d'être bon pour la santé puis se faire poursuivre, ils vont dire ça dessus. Et c'est sûr que ça donne l'énergie. C'est des glucides tellement faciles à digérer. T'as un rush de sucre. Mais oui. Après ça, tu pognes un gros down. T'sais, ça tue, mais tu meurs heureux, comme on dit. Hein? Oui. Aussi. Faut que tu meurs vite, par exemple, parce que t'as un down après. Ouais. je me demande si je vais avec un dernier. Un le fun, pas un qui tue. Non, ça, je pensais pas que ça tue. En fait, ça serait pas le fun parce qu'on parle de mathématiques. Ah. Et on est tous les deux pas fans de mathématiques, Steph. Ni de médecine. Non. Ni de... Juridique. Ben, les choses qu'on aime pas. Et c'est pour ça qu'on fait des blocs thématiques à ce sujet-là. Donc, l'anxiété des mathématiques. C'est pas seulement juste pas aimer les mathématiques. C'est en fait ressentir de l'angoisse, de l'anxiété, du stress et d'autres sentiments négatifs quand tu fais des mathématiques. C'est un vrai problème qui peut vraiment nuire à la vie des étudiants. Une recherche à l'université de Stanford, une expérience et une recherche en fait nous apprennent que l'anxiété ou l'angoisse des mathématiques va activer les mêmes parties du cerveau qui sont liées à la peur qui cause le stress et l'anxiété. Voilà, je savais. Ouais, c'est prouvé. C'est clair, ouais. Donc les chercheurs nous apprennent que pour les enfants qui ont une anxiété ou une angoisse des mathématiques, l'amygdale qui est liée avec la peur et une partie de l'hippocampe qui, elle, joue un rôle dans la formation des souvenirs, a une activité augmentée lorsqu'on fait des mathématiques. Pendant ce temps-là, les régions du cerveau qui sont associées avec la mémoire et le raisonnement des chiffres, des nombres, ont une activité amoindrie. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Mm-hmm. Donc, non seulement est-ce que l'anxiété ou l'angoisse des mathématiques mène à la peur, mais ça distrait les étudiants et ça les empêche de vraiment résoudre le problème. Wow! C'est cool, hein? Mais en fait, c'est pas cool du tout. L'étude a étudié des étudiants qui avaient un quotient intellectuel similaire, une mémoire similaire, qui avaient les mêmes habiletés en maths et en lecture, et des niveaux d'angoisse en général. Les chercheurs les ont fait remplir un questionnaire pour analyser leur niveau d'angoisse des mathématiques. Et c'est ce que ça a donné, voilà. C'est tout pour cet œuf. Je sais pas si tu peux avoir une maladie concrète, genre... que toi, t'es vraiment angoissé par les mathématiques. Tu vas voir un psy, t'amènes un papier au secondaire. C'est comme, je peux pas suivre mon cours de maths. Comme je faisais pour l'éducation physique. C'est pratique, ce petit papier, des fois. Éducation physique? Non, ah ouais. Je faisais juste comme... Rien fou. Participer. Puis t'avais un A+, je sais pas quoi, 100%. Non, en secondaire 5, ça marchait de moins en moins, je te dirais. Donc, c'est tout pour cet un fait. On fait ça d'habitude les lundis. En temps normal, il n'y a pas d'émission lundi. Je me suis dit aujourd'hui, ça fait pareil. Mardi, ben oui. Voilà, comme on mardi, t'sais. Comme on dit. Comme on... Au retour, c'est la chronique de Myriam Lortie. On parle du Zone Campus dans quelques instants. On dit au revoir à Sébastien Viguartin. Au revoir. Merci. À dans deux semaines. À dans deux semaines. Et on se retrouve dans quelques instants. Oui, moi je reste là. Tu restes là? Ah, c'est vrai, on a une petite musique d'envoi de pub ici. Hein? À tantôt! Ah! À son âge, qui reste là. Oh, j'ai des papillons. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage Requis. En ce mardi 2 septembre 2014, c'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Mm-hmm. Et on est toujours présenté en passant par le service aux étudiants de l'UQTR. Ben oui. J'oublie de mettre les retours de pub. C'est nouveau encore. Hein? Donc, toujours à Assemblage Requis. Dans quelques instants, Myriam Lortie et la collègue Zone Campus, je le vois, on ne l'a pas encore reçu en papier, mais on l'a imprimé ici. Ben, il est en papier, en fait. C'est vrai qu'il est en papier. Mais il est quand même en papier, pas en papier journal. D'imprimante, mettons. Ouais, c'est ça. Si on veut. Donc, au retour. Mais avant ça, une pièce de Radio-Radio. C'est pour le spectacle de demain soir. On va jouer du Radio-Radio, du Mister Valère, du Dead Obies et du Debbie Tabs pour les prochaines journées. En fait, hier, aujourd'hui et demain. Pas hier, t'as pas là. Mais aujourd'hui et demain. Donc, on va jouer. On va en faire jouer hier. On va en faire jouer rétroactivement hier. Faites comme si on avait fait jouer 3-4. OK? Parfait. Donc, on va entendre Radio-Radio. Voici leur extrait du palmarès. C'est Holiday. Au 89 FM, c'est fou. Any mini money mo vacation, hoppin' on my ride, hoppin' down mon pedalo. Any mini money mo, je suis ma. Any mini money mo vacation, any mini money mo. Il fait beau quand ça passe point trop. Je suis ma holiday. J'suis sur ma paid vacation, c'est confirmé. J'suis sur ma holiday. J'jump sur la beat pis c'est bon, bon. Mon freaky diggy bonne chanson, chanson. J'ferme les yeux dans la vente, c'est faux pis c'est bon pour le sang, sang. Travaille trop fort, tu peux prendre des vacances. Mais plus qu'une semaine, ça vaut la peine. Voyage, voir les baleines, tout proche la Seine. Là, tu peux s'aider, ou tu peux sceller. L'autre bout du monde, c'est le temps pour toi-même. T'avais travaillé dur pour t'apaiser. Maintenant, c'est le temps pour les holidays. Sur le coteau, sur ta chaise, à l'aise. Les pieds dans le sable, c'est easy. Oui, that lazy, c'est une merveille. Un, deux, trois, on se laisse aller. Sauf prends une dip sur la Sunset Strip. Les vagues qui me chuchotent l'oreille comme le soleil qui me réveille. Après la magie non-stop qu'on a pris la veille. Double dip dip à la lemonade. C'est la best best yes yes. Sous la shade, shade, shade. Sous la shade, shade, shade. Sous la shade. c'est des vacances de même. Sauf pour ta flat, pour ta chambre, credit card ou debit card. Faut que tu prennes des vacances, de tes vacances avec du zone ou avec des personnes. Va sur ta trip, plein ta trip, man. C'est summer holiday weekend. Party dans ton days end. Ça c'est pas mal, pas mal. En vrai dans ta soirée, j'ai dit c'est pour la weekend. Days end, ça c'est pas mal. Où ça finit ben, je dis dread là. Quand ça finit ben, c'est avec toi. Près de la main, on s'amènera un peu plus loin parce que t'aimes ça. Où ça finit ben, je dis dread là. Quand ça finit ben, c'est avec toi. Près de la main, on s'amènera un peu plus loin parce que t'aimes ça. Radio! Et la pièce Holiday à Assemblage Rocky. C'est tellement bon, on fait péter des feux d'artifice. Tellement, hey, ça me rappelle l'extérieur dehors. Il se passe tellement de choses dehors. Et tout l'été, on a utilisé le micro magique pour notre chronique La Bouffe de la semaine. Ouais. On voulait entendre de près l'ouverture d'un produit culinaire, alimentaire, t'sais. Ouais, oui. Généralement, ça sonnait plastique. Ça sonnait une ouverture de bouteille. Ça sonnait. Hein? Papier, plastique. Papier, plastique. Ah, comme à l'épicerie, papier, Croche, plastique. Papier, ciseaux. Genre. Mais moi, j'ai envie d'entendre, mettons, qu'est-ce qui se passe dehors ah en ouais? ce moment. Là. Mettons, si je trouve le micro magique. Fais pas ça, il y a vraiment du bruit. Hein? On vous entend! OK. Voilà pour, pour on ça. On est tellement immature. C'était le fun. Mais surtout ça. Toi. Se trouve. Une personne qui va peut-être embarquer dans nos folies, espérons-le, c'est une nouvelle membre de l'équipe. Voici la chronique du Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Ah, les poignées à mouche. Les poignées. Ah oui. Les poignées. On accueille Myriam Lortie, bonjour. Bonjour. Ça va? Ben oui. On dit ça fait longtemps que j'ai fait de la radio. Ben, on te connaît pour la co-animation, évidemment, des précieuses ridicules. Qui vont être de retour cet automne, les dimanches, toi. Les dimanches, on commence le 14 septembre, c'est le fun parce qu'on s'est pas vu de l'été, puis on s'est rendu compte que ça nous prenait un petit rendez-vous hebdomadaire, les précieuses ridicules, parce que les trois ensemble, ça fait une belle chimie. Fait qu'on va revenir les dimanches parce qu'on n'a pas d'autre temps dans la semaine. Non, c'est ça, il se passe, c'est travailler 5 jours semaine. Il y en a une qui est rendue à Saint-Hyacinthe, on a tout plein d'autres projets, on a plein d'autres affaires à raconter. Fait que, elle va descendre ici pour ça? Pour ça. Cool. Bon, on en reparlera à la fin de la chronique. Ici, tu es là pour parler du journal Zone Campus. Ben oui. La rédactrice en chef. Sort aujourd'hui. Oui, nouveau numéro. On l'a pas encore en journal tellement qu'il est à l'avant-garde. On est vraiment, tu sais, hipster du journal. On dirait quasiment que vous l'avez vu avant. On dirait. Il est sur papier, 8,5 par 11 en studio. On a chacun notre copie. Puis moi, je l'ai vraiment broché comme recto verso, comme si c'était un vrai journal pour avoir vraiment l'impression. Ça a l'air vrai, mais ça l'a pas fait imprimer en couleur. Non. Malheureusement, on n'a pas le budget pour les couleurs, là, très imprimé en temps. Non, on va se calmer. Zone Campus, donc, c'est le volume 10, c'est la 10e année du journal cet automne. Oui. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses nouvelles, des révolutions et des évolutions dans le journal. Parlons un petit peu de la formule de Zone Campus cet automne. Bien, premièrement, nouveau logo. Oui, c'est ça. S'inscrit dans le changement de groupe des médias étudiants qui ont changé de logo pour la radio, ouais. Changement de logo pour le journal, petite retouche intérieure, puis notamment 4 pages de plus. Oui, 28 pages au lieu de 24. On était passé de 20 à 24 il y a quelques temps. Exactement. Donc, plus de chroniqueurs, entre autres. Oui. Surtout en arts et spectacles, on peut voir que c'est la section qui m'intéresse oui, c'est le plus. La plus importante, 4 chroniqueurs en arts et spectacles, on va parler tantôt. Oui, des belles chroniques. Sinon, beaucoup vraiment de nouveaux journalistes. Oui. Je pense qu'il y a une journaliste sur 7 qui revient. Marie-Philippe. Oui, Marie-Philippe en sport. Il y a plein de petits changements esthétiques que certains remarqueront, d'autres non, ou ils vont juste dire « Ah, il y a quelque chose de changé, mais on ne sait pas exactement quoi. » Mettons que l'infographe monteur là-dedans, chose qu'on appelle Mathieu Plante. Qui a fait un job de moine. Il travaille dans le beurre un peu sur ces affaires-là. Non, pas dans le beurre. Ce qu'il y a de nouveau aussi que je remarque dès l'ouverture du journal, que vous allez remarquer, c'est fou en couverture, on va pas parler de nous-mêmes comme ça, tout le journal à chaque numéro. Non, là, mais le premier, on en parle beaucoup. Beaucoup. C'est fou, ils ont une campus, mais que veux-tu, c'est ce qui s'est passé dans l'été. Et on les a saupoudrés un peu à bon escient à travers le journal pour pas trop vous donner ça dans le même bout. Là. On commence avec les actualités, bien sûr. On parle de la nouvelle année, de la nouvelle équipe, le CRU 2014. On présente des biographies pas mal des nouveaux et des anciens du journal. Ouais, mais ça, je vais peut-être en parler au fur et à mesure qu'on va tourner les pages. Puis peut-être une petite présentation des chroniqueurs qui n'étaient pas là l'an dernier, les nouveaux chroniqueurs. Mmh. Juste en tout ça, c'est nouveau ça aussi, le mot de la rédactrice. Oui, mais ça, c'est entre autres parce que j'aime beaucoup écrire. Puis l'an passé, j'étais journaliste. Puis je pense que je faisais les portraits-reportages, entre autres, qui me permettaient d'apporter ma couleur dans mon écriture. Puis je pense que ça m'aurait vraiment beaucoup manqué, l'écriture. Ouais, et tu parles de quoi dans ton premier petit... Ben, le premier, écoute, Mathieu, c'est fait un peu à la manière d'un magazine, je dirais. Okay. Puis je te parle du premier... Premier numéro, avec un petit peu une présentation de comment j'entrevois l'année. Un mot de bienvenue. Ouais. Chaleureux. Une bonne rentrée. Voilà. Toujours l'actualité, bien sûr, la première nouvelle, c'est celle qui fait la une, c'est le vent de renouveau qui souffle sur C'est fou. Oui, ben entre autres aussi, nouveau logo, c'est quand même... dans le fond, là, je pense qu'on en a parlé amplement, mais C'est fou tourne la page sur un pan sombre de sa vie. Voilà. Écoute, vous lirez les journaux régionaux. Ben, c'est ça, on n'a pas besoin régionaux. De rappeler tout. Non, mais tout ça pour dire que c'est un nouveau commencement, un renouveau qui se fait pour C'est fou et qui se... concrétise avec l'arrivée d'une nouvelle image. Oui, c'est le futur maintenant, c'est futur. Exactement. C'est futur. Que j'aime beaucoup d'ailleurs, le nouveau logo. Okay. Pour lire cet article de Dave Duchemin, qui est un nouveau journaliste que j'ai recruté au Nouvelliste. Oh, c'est pas rien du tout ça. Non. C'est bien. C'est pas le seul non plus, il y en a un autre plus tard dans le journal. Il y en a un autre. Dave Duchemin, s'il fait une chronique, ben, sa chanson thème sera On the Road Again, Duchemin. On the Road Again. Du chemin encore une fois. Okay. On passe à une autre nouvelle journaliste, c'est Alice Baudry qui nous parle de l'AGEQTR, un été studieux, et Laurent Constantin, qui prend pour la première fois la section actualité, nous parle aussi de l'AGE. Donc, en gros, on parle de l'AGE dans cette page-là. Oui, c'est la page de l'AGE. Ce qui est drôle, bon, c'est que en haut, c'est quand même assez positif. Ouais. Et en bas, c'est... Ben écoute, je vais y aller aussi avec la présentation des journalistes parce que je trouve que l'article va bien avec eux. Alice Baudry, maîtrise en communication, c'est une Française, c'est sa deuxième année ici. Vraiment, je suis vraiment contente de l'avoir. Elle a fait un très bon travail. Puis là, dans son article, là, elle nous présente un peu ce que l'AGE a fait pendant l'été puis comment elle entrevoit la nouvelle année avec un mot de bienvenue pour les étudiants. Mm-hmm. Puis en bas, Laurent Constantin t'en a parlé. Il faisait une chronique un peu à saveur éditoriale. C'est celui qui était là avant Sébastien Fugertin. Oui, et il y a des idées quand même... Ben, arrêtez. Mettons que son défi pour cette année, ça va être l'objectivité et de rapporter les faits. Et ma foi, je suis quand même impressionnée. Il fait de l'enquête, hein? Il fait son travail. Oui, lui, là, ça va être le journaliste d'enquête. Il dit lui-même dans la présentation de la première page qu'il souhaiterait être le Alain Gravel de l'université. Pas Jocelyne Cazin. Journaliste d'enquête. Parfait. Donc l'AGE, c'est en page 4. Oui, ben, il y a un poste qui est vacant aux activités socioculturelles à l'AGE. Tout à fait. C'est un sujet quand même assez, je dirais touché un peu. Donc, allez lire l'article dans le journal. Ensuite, rentrée de l'UQTR, gros succès pour l'activité d'accueil qui avait lieu jeudi dernier. Ouais, ben c'est fou. Il y avait un kiosque qui était là. Mm-hmm. Il y avait de la musique, mais je pense qu'ils ne s'attendaient pas à avoir autant de monde. En fait, ils ne s'attendaient pas à avoir autant de monde. J'ai parlé avec le directeur du service aux étudiants, François-René Laure. Je pense qu'il attendait comme 400 personnes. Il y a eu à peu près 1000 personnes. Mm-hmm. Il y a eu, dans le fond, avant, là, c'était comme un dîner hot dog, la rectrice. Ouais, pour ça, c'était des raps pendant un bout de temps. En tout cas, un dîner de la rentrée, mais là, ça s'est fait sous forme de kiosque dans le hall Gilles Boulet. Puis après, comment ça s'appelle? L'atrium, là, l'affaire comme vitrée. Oui, l'atrium. L'atrium. Bon, ouais. La rectrice a parlé là-dedans, puis c'était trop petit pour accueillir tout le monde. Ils ont comme mis un haut-parleur pour que tout le monde entende dans le corridor parce qu'il y avait trop de monde. Fait que je pense que c'était un vif succès. Il y aurait dû séparer en deux puis faire un atrium puis un atrifam. C'est quoi la théorie de certains? Pourquoi il y avait tant de monde qui voulait absolument faire leur carte étudiante cette journée-là? Pourquoi donc? Il y a le spectacle de la rentrée. Demain, c'est 30 $ pour les non-étudiants. Et ça prend la carte. étudiante pour l'accès gratuit. Fait, ben, c'est une théorie. Qui sait, mais c'est une théorie quand même. Ouais. Ensuite, parlons de... on a parlé tantôt avec Sébastien Evgartin, on l'a reçu en studio, donc sa chronique s'appelle La belle-mère sur les débuts de session. C'est une chronique méta qui parle des chroniques de début de session. Oui, puis qui se présente un peu aussi sa couleur... C'est sa deuxième année à Monsieur Sébastien. Exactement. Ensuite, l'École internationale de français, c'est 40 ans. Ça fait 40 ans que ça existe. Oui, 40 ans. Si vous êtes passé à l'UQTR pendant l'été, on peut s'attendre à ce que ce soit très, très calme et qu'il n'y ait pas personne. Mais en fait, il y a l'École internationale de français qui est là. Il y a quand même près de 1000 étudiants qui viennent ici apprendre le français, soit de d'autres provinces ou de d'autres provinces. Ou encore de d'autres provinces. Pour apprendre le français. Parlant de gens qui ne viennent pas d'ici, ouais. C'est des étudiants étrangers qui arrivent à Trois-Rivières. Oui, on a un petit article qui est une espèce de petit topo de il y a combien d'étudiants étrangers. Ils viennent de 67 pays à l'UQTR. Puis c'est comme un petit bienvenue à vous. C'est cute. On les aime, les étudiants étrangers. Oui. Ensuite, passons toujours en actualité à un projet pilote de cours en anglais du département des sciences de la gestion. Ben, la page CERF d'actualité, c'est un peu un retour. C'est pas nécessairement des actualités parce que c'est pas tout à fait nouveau. Mais je tenais quand même à faire un retour sur ces deux sujets-là, peut-être controversés, qui ont été abordés dans le dernier été ou année, qui sont un projet d'un cours en anglais, qu'en anglais seulement, mais pas un cours d'anglais, un cours qui pourrait se donner en français, mais qui se donne seulement en anglais et seulement pour les étudiants qui viennent d'ailleurs. Oui, et donc là, il y en a qui disent, oui, mais s'ils viennent étudier ici, il faudrait que ce soit en français, donc bref, à suivre. La GE en parle aussi dans son texte, hein. On a parlé un petit peu. Il en parle aussi, oui, c'est vrai. Oui. Et en bas, ben, c'est le Colisée de Trois-Rivières, le comment ils appellent ça, le CERAS, centre de... Que sera, qui peut-être sera à l'UQTR. Qui sait, on ne sait pas. On a une nouvelle simili-semi-chronique, pas tellement chronique, sur la recherche à l'UQTR. C'est plus un article récurrent, disons. Oui, je l'appelais comme ça parce que l'année passée, entre autres, dans mes portraits reportages, j'ai rencontré beaucoup de professeurs. Puis j'ai comme découvert plein de recherches que je ne connaissais pas. Puis je ne sais pas pourquoi, je ne le savais pas avant, mais les profs d'envie font plus de recherches qu'ils enseignent. Puis j'avais envie de mettre ça de l'avant, de faire comme à chaque deux semaines. Puis ça va être Caroline Filion, qui, elle, d'ailleurs, a étudié en loisirs, culture et tourisme, et en loisirs aussi avant, et aussi en art. Fait que, elle, je l'ai mis là-dessus pour nous faire découvrir les recherches qui se font à l'université. Super. Et là, cette semaine, c'est en loisirs. Ben, elle commence avec ce qu'elle connaît. Exactement. On a un petit bref sur la cure de jeunesse du zone campus aussi. Oui, on en a parlé tantôt. Oui. Ensuite, bon, on sort qu'il y a plein d'autres articles en actualité. Là, je vous invite à les lire. On va terminer avec la fibre écolo des initiatives vertes. Oui, il y a un petit potager à l'université. Oui. Des incroyables comestibles de Trois-Rivières qui entre... je sais pas comment appeler cet espace-là, là, mais entre tous les pavillons, comme juste derrière nous ici. À côté là. Du nouveau pavillon à la vie étudiante, à gauche de ça, derrière le stationnement des motos. Bon, les incroyables comestibles de Trois-Rivières, là, eux, ils font des petits jardins un peu partout. Puis le but, c'est que tout le monde y participe, puis tout le monde peut aller chercher de la bouffe dans ce jardin-là. C'est comme un jardin communautaire. Puis là, il y en a un sur le site de l'UQTR. Fait que si vous n'avez pas de lunch, vous pouvez aller chercher des tomates, de la salade, un piment, puis vous faire une salade. Et c'est un petit retour là-dessus. J'ai une très belle photo de tomates d'ailleurs que j'ai prise par toi-même, hein, c'est écrit dessus. Exactement. Maintenant passons en société. C'est une section évidemment très importante, elle aussi du journal. Après les actualités, on parle plus d'opinion. On commence avec Kevin Gaudreau et sa chronique entre les deux pôles. Ouais, mais je vais faire plus une espèce de petite présentation, mais la première page de société sont plus des chroniques philosophiques et psychologiques. OK. Et quand même en douceur et explicative, je dirais. OK, cool. L'autre, c'est Nicolas Gauthier avec Tout est bizarre, qui est aussi de retour de l'année passée. Ensuite, on a Normand Leclerc avec sa chronique... de l'Université du Troisième Âge. Il parle de la Journée internationale de l'alphabétisation et de l'importance de la lecture pour lui. Mm-hmm. Et une nouvelle chronique par Cossy Sedoquet et Sheila Gaudreau. Une co-chronique. Co-chronique. Eux, c'est quand même intéressant. Ils vont soulever des enjeux de la société qu'ils vont présenter à travers la religion. Oh! Souvent. La sphère religieuse. Oui, mais ils font ça de façon... ils sont conscients que c'est pas un sujet qui pogne, je pense. Mm-hmm. Puis ils essayent d'attirer notre attention sur certains questionnements. OK, ça a l'air intéressant. Et notre vétéran, on lui donne une page complète ou presque maintenant. C'est, avec photo. Avec photo en plus. Il fait beaucoup rire. Mais il est là depuis longtemps, Jean-François Veilleux, donc il mérite bien ça. C'est sa collègue, je me souviens, au pouvoir citoyen. Exactement. Qui parle d'histoire politique engagée. Tout à fait. On va savoir ça tantôt avec les arts et spectacles et les sports, mais avoir sa petite chanson. Oui. On s'en va entendre du Owen Ballett. Voici Song for 5 and 6. On revient avec les arts et spectacles, le sport et les loisirs aussi, qui ont changé de place, comme vous avez vu. Hein? Et on est déstabilisés. Infinite, stenciling your diagrams of trilogies and pyramids on the face of the infinite. Sing about a poetess, hyacinth around her feet, that it will never come again is what makes our life so sweet. Do you agree? Song for 5 and 6. The stick smash on the flatbed boys to the town. victorious in war. Par Owen Pallett. Je t'approche. On the flatbed. C'est vraiment proche de l'avoir. Donc, toujours la chronique Zone Campus, toujours avec Myriam Lortie. On était rendu en art et spectacle. On commence avec le spectacle de la rentrée de l'UQTR qui a lieu demain, le 03 septembre. Le 03 septembre, spectacle de la rentrée de l'AGE UQTR en partenariat avec C'est Fou 89.1 et le service d'aide aux étudiants qui se sont unis pour offrir un show de la rentrée d'envergure. Vraiment? À l'extérieur. Il va y avoir des groupes connus. Oui, bien connu et tout en restant diffusable sur une radio alternative comme C'est Fou. T'sais. Exactement. Ouais. Je pense qu'ils ont bien... C'est les seuls, en fait. Je me demande l'année prochaine où ils vont aller parce que après c'est ça. Les seuls groupes que je trouve qui fit dans les deux mondes. T'sais. Quels sont ces groupes, Mathieu? Mister Valère. On pourrait dire que c'est la tête d'affiche. Oui, c'est la tête d'affiche, Mister Valère. Radio, qui moi je mets à égalité, mais apparemment qui est un petit coche en dessous. Il y a Dead Obies. Je les connais pas. Ben, c'est pas tout le monde qui connaît Dead Obies, c'est un petit peu plus underground, mais en effet, ça fit. Et Debbie Tebbs, qu'on a entendu plus tôt dans l'émission. Donc, ça, c'est cool aussi. Debbie Tebbs va être là. Ouais. Allez-vous y aller? Moi, peut-être pas au complet, parce que j'ai une mission le lendemain à 7h30. J'ai le goût d'aller faire un tour. Ça a l'air cool. D'après moi, il va y avoir du monde. Évaluer le nombre de personnes qui faisaient faire leur carte étudiante la semaine passée, là. Exact. Je pense qu'ils attendent jusqu'à 5000 personnes. En tout cas, le site peut accueillir jusqu'à 5000 personnes. Quasiment la moitié des étudiants de l'UQTR, ça vise haut, ça. Mais c'est ouvert aussi à tous. Au grand public, 30$ pour ceux qui ne sont pas étudiants. Ouais. Voilà. Ensuite, les happenings d'improvisation. En fait, je pense qu'on peut parler d'improvisation en général un peu. Oui, parce qu'on parle beaucoup d'improvisation aussi dans ce numéro. Toujours. Vous savez que j'aime l'improvisation. Ben oui. Happening d'impro, mais c'est que j'ai le goût d'y aller avec le titre. Pas de repos pour l'impro pendant l'été. C'est que au Zenob, cet été, le bar d'artistes trifouillet. Oui, mais il présentait de l'impro. Dans le fond, c'est des équipes qui étaient comme formées pour l'occasion. Puis souvent, c'était des équipes aussi qui étaient reçues, ou mettons, des finissants de l'école de théâtre à Montréal. Ils se formaient une équipe, puis ils venaient rencontrer Trois-Rivières ou des joueurs de Victoriaville. Puis c'était plus dans une formule, et c'est ce que je cherchais, amicale. Fait que ça s'est passé tout l'été, là, je pense que c'est fini ou ça finit dimanche. Puis après ça, je vais enchaîner tout de suite avec La Luître. Allons-y. Qui revient avec une nouvelle saison. Cette année, pour l'ouverture, le spectacle d'ouverture, c'est un peu nouveau parce que c'est les quatre capitaines qui vont affronter les arbitres. Mmh. Au lieu de faire une espèce de showcase, qu'ils appellent d'habitude, pour présenter où est-ce qu'on voit les quatre équipes jouer le même soir. Mais il va peut-être avoir ça aussi après. Donc, il va avoir le camp de recrutement bientôt pour ceux qui voudraient participer à l'improvisation. C'est vraiment une belle expérience. Et à suivre, peut-être qu'on verra Mathieu Plante à l'animation, qui sait? Ben quand même. C'est les 15 et 16 septembre à la salle Rodolphe Mathieu à 19h, le camp de recrutement de la Luitre. Ouais, puis c'est bien fait, les camps de recrutement. C'est pas un environnement super stressant. Là. C'est des ateliers qui visent à voir comment tu es capable de construire ton écoute, pour voir si tu as du potentiel vraiment comme joueur et non pas juste gaguer de même en partant et dire « Ah, lui, il est bon, on va le prendre. » Des punchlines. Quoique c'est ce qui marche à la chasse-galerie. Aussi, des jokes de pète, là, ça fonctionne tout le temps bien. Est-ce qu'il y avait un autre article sur l'impro? Il me semble que oui. Hein? Un dernier? Pour l'impro, oui, il y a eu le jeudi passé le Punch Club au Nord-Ouest, au deuxième étage du Nord-Ouest. Punch Club, je sais pas si vous connaissez un peu le principe. Non. Je pense que c'est la première fois qu'ils venaient à Trois-Rivières. D'habitude, c'est à Montréal ou à Québec. C'est encore un peu comme les happenings, dans le sens que c'est des équipes pendant l'été qui sont formées pour l'occasion, sauf que Punch Club, le deal, c'est plus violent, mettons. Il n'y a pas de règles. Pas de règles. T'sais, le monde se mord pas. C'est sûr qu'il y a des filles dessus, dans les games aussi. Mais c'est des équipes de trois. Mais là, la différence, c'est qu'il y a de l'argent qui est en jeu. Il y a 300$ à remporter. Il n'y a pas d'arbitre. Puis c'est un peu dans une ambiance de genre hip-hop. Là, Genre de rap battle, mais à la place, c'est un improv battle. Il y a vraiment du public autour là, avec qui sont comme habillés en jogging puis qui font « Oh, ouais! » C'est Montréal qui a gagné. Voilà. Ça a l'air très cool. Ensuite, toujours en art et spectacle, bien sûr, dans Zone Campus, on parle d'une nouvelle chronique de notre ami Félix-Antoine Desilets-Rousseau, anciennement journaliste aux Zones Campus. Lui, je pense qu'il avait envie d'avoir un style plus personnel. Souvent, les journalistes finissent par devenir chroniqueurs parce qu'ils ont besoin de montrer leur couleur. Puis, ce qu'il avait envie de faire, c'est d'aller voir un spectacle aux deux semaines puis de nous en parler un peu à la manière d'un blog. ce qu'il a vu, ce qu'il a perçu, ce qu'il a aimé, moins aimé, ce que tu peux pas nécessairement faire quand t'es journaliste. Ben mais non. Tu peux y aller, mais de façon objective, en te basant sur des faits, mais lui, c'est purement objectif. Subjectif. Subjectif. Et ça s'appelle « Dans les lunettes du frise ». Ouais, parce qu'il y a des lunettes, puis il est frisé. Vous allez voir sur les photos quand elles seront ajoutées au prochain numéro du Zone Campuchia. Oui. Ensuite, art visuel. C'est un article d'une nouvelle recrue du Zone Campus, encore une fois, mais qui va faire un petit peu du... elle va remplir les trous, si on veut. On va l'appeler la pigiste. La pigiste Marie-Christine Perras. Ah, Marie-Christine Perras. Je suis tellement contente de l'avoir. Marie-Christine, elle commence sa maîtrise à l'étudier en théâtre, à l'étudier en enseignement des arts. Et elle commence sa maîtrise en études québécoises, en théâtre, justement. Donc, je dois dire, c'est une amie, premièrement. J'anime Les Précieuses Ridicules avec elle aussi. Mais là, je l'embarque dans ce projet-là parce que... Elle a un regard quand même assez aiguisé pour ce qui est des arts et spectacles. Elle avait envie de couvrir les expositions d'art visuel et le théâtre. Donc, à travers ses yeux, on va pouvoir découvrir ça toute l'année. Elle va nous faire à peu près 2 à 3 articles par numéro. Là, elle est allée voir une première exposition qui se déroulait dans la petite galerie à côté de la boutique Atelier ATD. Mmh. Au centre-ville. Et les toiles sont très belles, je dois dire. Oui, c'est joli. Une autre nouvelle chronique, c'est celle de Camille Durand-Plourde. Oui, mon Dieu, cette fille-là est parfaite. Elle est belle, elle est fine, elle écrit bien, elle a des bons sujets. Je ne sais pas quoi rajouter de plus. Là, ça nous parle du blog Les Fourchettes, qui est une fille qui raconte des histoires comme un peu banales de la vie quotidienne, mais qu'on se reconnaît à travers ça. Donc, elle nous parle un peu de ça. Mmh. Et toujours en chronique, une autre ancienne journaliste, maintenant devenue chroniqueuse, c'est Alexandra Carignan et sa Lady bimensuelle. Alexandra Carignan qui apporte une petite touche d'histoire à ce journal. Dans le fond, à chaque 2 semaines, elle va nous présenter une femme d'époque et nous faire un portrait de celle-ci. Donc, c'est aujourd'hui. Pour les 2 prochaines semaines, elle va nous parler d'Elisabeth Gaskell. Mm-hmm. Pas Gaskett, comme pas Gaskett, Mathieu l'a appelé. Il y a plein d'autres articles autour de ça, mais continuons avec l'autre chronique, la dernière de la section, c'est Cinéma d'aujourd'hui, avec Louis-Étienne Villeneuve. Oui, une autre belle chronique. Louis-Étienne, je dirais, est connu dans la région pour ses talents d'improvisateur et d'analyse. Improvisateur, je sais pas si ça se dit. Mais là, il va aller voir les films au tapis rouge. Mm-hmm. Et il va nous faire un compte-rendu critique de ces films-là. Donc, ça risque d'être vraiment intéressant. Oui, et c'est un partenariat qu'on a avec ce cinéma tapis rouge parce qu'il y a aussi la programmation en bas de l'article. Si on reste en art, une dernière page, oui, c'est... on a déjà parlé de la huître, mais je voulais juste souligner le fait qu'il y a une photo de moi pas rasée. On va y aller avec les sports très, très rapidement. On a toujours fait les sports très rapidement parce que personne ne connaît ça. Mais t'as passé les loisirs, Mathieu. Ah, c'est vrai. Excuse-moi, j'avais oublié. C'est facile à... Tu vois, t'es déstabilisé parce que ça a changé de page. Ben, c'est facile à oublier. Je te dirais que c'est pas commun, les loisirs entre les arts et les sports. Mais que voulez-vous? On est des rebelles. Donc, on retrouve encore l'illustration d'Alexandre Aramiswiki, mais il change de format. Ouais, exact. Et dans le fond, ce qu'il va faire, ça va être un personnage qui se confesse à chaque 2 semaines. Et comme dans ce numéro-ci, c'est dans le fond par rapport à la fusion de Tim Hortons et Burger King. Vol, vol, punch! Et là, c'est un employé qui se confesse. D'accord. Non, mais je dis pas c'est quoi la joke. Non, mais non. Il y a les jeux, comme toujours, Sudoku, mon mystère et mon croisé. Sport! Là, c'est oui, vrai. Les jeux, c'est... Non, les jeux, c'est des jeux. Faut pas les enlever, sinon, non. On parle de natation pour commencer avec un nouvel entraîneur, Charles Labrie. Oui, il y avait l'entraîneur des Mégophias de natation qui avait été congédié il y a 3 mois. Et c'est Charles Labrie qui va le remplacer. Donc, nouvel entraîneur pour la natation. Et il y a Caroline Lapierre-Lemire, parlant de natation, qui a remporté 3 médailles d'or au championnat canadien de natation qui se déroulait à Saskatoon cet été. Bravo. Donc, elle, on est habitué à gagner tout le temps plein de médailles. Tout le temps et sa photo est tout le temps dans le Zone Campus. On commence avec... on commence la saison de golf des Patriotes, oui. Oui, la saison de golf. Dans le fond, l'équipe de golf a participé à l'Omnium. De golf à Gatineau. Et il y a, entre autres, Jason McKenzie, qui semble être un joueur très fort de l'équipe, qui s'est démarqué. Et il a fini 11e sur 76. Donc, c'est bien. Ben oui. Les Patriotes hockey étaient en France récemment. Oui, apparemment que c'était une expérience extraordinaire selon le coach, mais je vous invite vraiment à aller lire l'article. Je ne veux pas vous le lire, là, mais c'est. Ben, je peux parler en même temps d'Étienne Dubois. Oui. Étienne Dubois, en fait, je ne l'ai pas encore dit, là, mais tout l'été, j'ai été stagiaire ou nouvelliste en tant que journaliste. Oui. C'est sans contredit l'expérience la plus formatrice que j'ai jamais vécue de toute ma vie. Toi, ça. Moi, de toutes mes 5 années d'université. Et j'ai rencontré Étienne Dubois, qui a terminé son 2e stage au Nouvelliste. Et il était au sport cet été. Lui, c'est vraiment ça sur quoi il tripe. Donc, ça, Marie-Philippe était déjà là. Puis ça apporte vraiment un deuxième pion fort, je dirais. À l'équipe sportive. Tout à fait. Et c'est toujours le fun. Je vais pouvoir tout le temps faire des jeux de mots parce qu'Étienne Dubois, they're holding the wood! Étienne Dubois. Exactement. Étienne Dubois. Mmh. Ceux qui veulent faire des cheerleaders, oui, c'est le 8 et 10 septembre qu'ils vont compléter leur équipe. Ah, d'accord. Donc, on peut aller s'insérer là, si ça nous tente. Oui. Et on termine en badminton, nouvelle saison, nouveau défi. Oui, ben c'est que l'année passée, l'équipe de badminton, comment je dirais ça, ça a plus ou moins bien été. En fait, ils ont terminé dernier. Badminton, ça le dit, ça. Mais les autres équipes, ils n'ont pas été si bad s'ils étaient en meilleure position. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, le coach de cette année, il espère améliorer d'au moins 2 positions l'équipe de badminton. Puis je pense qu'ils vont peut-être resserrer aussi la méthode de recrutement. Ils vont resserrer les filets, ils vont resserrer... Exactement, les raquettes, les souliers, tout ça. Je te gâche ta fin de chronique, hein. Ben écoute, quoi dire après ça? C'était fini, fait que j'ai le droit. Bon. Oui, t'as le droit. Je peux pas gâcher quelque chose qui est déjà fini. Donc, Zone Campus, volume 10, numéro 1, en kiosque du... T'as peu. 2 au 15 septembre 2014. C'est-à-dire, il est même pas encore sorti. Il sort tantôt. On le reçoit d'habitude 10h, 10h30, 11h, dans ces coins-là. On va le distribuer un petit peu partout sur le campus. Oui. Tout nouveau, zonecampus.ca et le blog où on peut retrouver les articles ou une grande partie des articles. Et toi, on te retrouve minimum dans 2 semaines. Maximum dans 2 semaines. Tu peux revenir la semaine prochaine. Ben, dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Pour une occasion de campus, tous les mardis à 8h30. Exactement. Voilà. Merci, Myriam. Merci. Merci à vous. Nous, on revient dans un instant avec Sex Mess, ça devrait répondre là. OK, oui. On va acheter des affaires. C'est à nous. Ah, attention. Hey, j'oublie, là. J'oublie tout le temps, mais musique de transition vers la pub. Je vais arrêter de le dire. Je vais juste me rappeler de les mettre. Oui, puis ça gâche un petit peu le punch. Un peu. Il est pas marqué, ça. Non, ça n'aurait pas marqué. Ouais. Plus. Comment dire, subtil, là? Ouais, c'est ça. Enfin, peu comme subtil. Comme la radio, d'habitude, ouais, c'est... Ouais, ouais, ouais. C'est bien fun, cette petite musique-là. C'est fun, hein? On a le goût de boire un pina colada. Ouais, veux-tu une pub? Parce que c'est tout ce que j'ai une pub. Es-tu alcoolisé? Ben, non, mais et on the rocks. Parce qu'elle rock encore, là, de débile! Food Indie Rock. 89.1. Excuse-moi, je voulais tellement bien faire, je voulais mettre ça, genre... Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour, vous êtes toujours Assemblage requis, c'est Stéphanie Parade. Et avec Mathieu Plante. Oui. Ah, c'est le moment de la chronique que je pense que j'aime le plus faire en tant que telle. Je trouve que c'est celle qui est la plus intéressante dans ces sujets. Est-ce que ça dit quelque chose? Non, pas vraiment. Je vois rien qui correspond au critère que tu as mentionné. Pourtant, mais pourtant, il y a, ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a. Ah. Que oui. Ça existe, ça ne devrait pas. Là, c'est la chronique des gadgets ridicules trouvés un petit peu partout sur Internet. Et, on libère de l'argent sur la marge et on met tout ça là-dessus. OK. On va commencer avec... En fait, c'est un petit bloc thématique, là, genre prêt-à-porter, style vêtements et autres. OK, OK, moi. OK. Commençons par quelque chose que tu peux porter dans tes cheveux à toi, Stéphanie. Moi, moins un peu. Pourquoi? Ben, c'est un outil à la MacGyver. Tu sais, le MacGyver, c'est celui qui pouvait prendre des élastiques, un trombone, tu sais, un stylo, puis faire quelque chose pour désactiver une bombe. Puis, tu sais, MacGyver, bon. Donc, si MacGyver était une femme, elle porterait probablement cette clip, cette petite pince pour les cheveux, qui ressemble à toutes les autres pinces pour les cheveux, là, pour tenir une couette dans les airs. Sauf que c'est aussi un outil C'est un gros tournevis, un petit tournevis, une clé 8 mm, un couteau primitif, si on veut, une règle sur l'autre côté. Wow. Tout ça dans tes cheveux, quand t'en as besoin, tu le sors. Et... Ah. Tout ce qui manque, c'est, évidemment, l'ouvre-bouteille. Y a pas... J'allais le dire, oui. Moi, j'étais sûr. Il aurait dû remplacer le 8 mm, la clé, là, par... Le large screwdriver? Non, le 8 mm wrench, le truc en logo de Cifu, excuse-moi, en forme de logo de Cifu. Ah, OK, ben, je pensais que c'était ça parce que... Il y avait une petite flèche qui pointait dessus. Ah, ben non. Mais oui, je suis bien d'accord. Sauf que c'est peut-être pas assez gros ou pour faire le trou pour ouvrir la bouteille. Ah, probablement pas, non. J'ai l'impression que ça ferait un trop gros trou, donc une trop grosse pince. Faudrait avoir plus de cheveux. Faudrait avoir une méga touffe. Ben, j'ai une méga touffe, moi. Une méga touffe? Bon, ça tête, va. Ça tête. Ça vaut 10$, si je le vois bien d'ici. 10$, oui. Ouais. Voilà. À la fine pointe de la technologie. Ensuite de ça, je vais aller avec celui-là. C'est des condoms. C'est des blow-doms. C'est des condoms verts qui sentent le pot. Uh-huh. Donc, c'est prêt-à-porter. Ça va dans la thématique du prêt-à-porter. Oui, effectivement. Quand même. Donc, c'est un combo de condoms et d'une carte qui dit oui de dessus. Donc, vraiment, j'imagine que ça, t'sais, ça sent le pot, mais en tant que tel, c'est juste un condom normal. C'est un paquet de 3 condoms. Pour 20,69$, c'est bien trop cher. Ah, c'est rien qu'un jeu de cartes, excuse-moi. Mais tu dis que ça sent, est-ce que ça goûte? Ça ne parle pas de la saveur, malheureusement. Non. Mais ce que ça dit, c'est que c'est comme, dans le fond, c'est un emballage cadeau. Donc, c'est... Quel beau cadeau à offrir! Joyeuse fête des pères! ouais, en tout cas, bref. Ensuite, allons-y avec un harnais pour mettre une GoPro, une caméra GoPro sur le dos de votre chien. Hein, ah ben oui. Votre chien a une vie comme vous, mais encore plus intimidante. Mais ça, dans le fond, tu sais, comment ça, le sac de poubelle, il est ouvert, tout est ventré? Ben là, tu le sais, parce qu'il a tout filmé. Tu sais? Hein? Tu l'as l'affaire. Donc, pour attacher sa GoPro sur son dos, super simple, c'est le Fetch Harness de la compagnie GoPro. Ça vient directement de la compagnie. Et donc, tu l'attaches à sa poitrine, donc sur son ventre ou sur son dos. Pour avoir 2 angles différents, tu pourrais avoir même 2 caméras, j'imagine, sur ton chien. Ça fonctionne sur les chiens de toutes les grandeurs. Les tailles de 15 livres à 150 livres, c'est padé aux bons endroits, donc ton chien va être confortable. OK. C'est aussi lavable à la machine. 60$, donc pas trop cher pour capturer peut-être quelques clips vidéo intéressants. Je pense qu'ils en ont fait pour les chats, mais ça donnait vraiment des films plates. C'était tout le temps... un divan, un coussin, la litière. C'est fun de faire un plan accéléré, un time-lapse avec un chat toute la journée. T'sais. Il s'est déjà fait, je suis sûr que c'est déjà fait, mais avec une GoPro, je sais pas si ça l'a déjà. Ah, je sais pas. C'est sûr que le film est long. Vraiment. Ensuite, pour mesdames, encore du prêt-à-porter, c'est des bottes, mais qui sont parfaites pour tenir des affaires, pour contenir des choses. Disponible en brune ou en noir, de grandeur 5 à 12, version slim, regular et large pour les grosses chevilles. Et les gros mollets. Les gros mollets. Donc, ce qui a différencié des autres bottes sur le marché, c'est qu'il y a des poches à l'intérieur de la botte pour transporter un téléphone, un passeport, carte de crédit, carte d'identité, maquillage, clé de la maison, argent, n'importe quoi. La première ensemble de bottes de 2014 est déjà toute vendue. Mais Elizabeth Ann prend des précommandes pour une nouvelle lignée qui va sortir en décembre 2014. Les bottes valent $400 normalement. Elles sont disponibles en pré-vente pour $310. Et si vous précommandez en ce moment, ils vont te donner un paquet de gratuité, un paquet de choses comme ça. C'est le fun en plus d'être des belles bottes. Moi, je trouve ça vraiment pratique parce que je déteste avoir une sacoche. Ouais. Fait que c'est vraiment génial. Juste mettre... Si tu sors dans un bar ou tu peux juste traîner ta carte de guichet puis ta carte d'assurance maladie parce que moi je sais que je vais me faire carter. C'est des purse and boots. T'as vu le jeu de mots avec puss and boots dans le chat, le button? Ouais. Sauf que c'est purse and boots. Ça coche. C'est parfait. Un sac à dos sur lequel on peut dormir maintenant. Quand on est dans le bois, en randonnée ou peu importe, ou même peut-être à l'université, à la bibliothèque, quelque chose comme ça, on voit dans la photo un gars qui s'assoit sur le bord d'une rangée de bibliothèque pour étudier sur son sac. Ah, ça fait un beau coussin à fesses. Ben, c'est ça. C'est un coussin, le Windcatcher Air Pack avec 2K pour être plus extrême. Ça, oui, il est très pack. Très pack, vraiment. Donc, c'est un sac à dos qui est aussi un oreiller quand on en a besoin. Ça se transforme en coussin pour s'asseoir confortablement, que ce soit sur le plancher ou n'importe quelle autre surface d'habitude pas confortable. Et comme si c'était pas assez, c'est que le sac se gonfle lui-même. Ah? Hein? Donc, il n'y a pas besoin de transporter une pompe ou de gonfler ça avec votre bouche. Il y a aussi des poches qu'on peut enlever à l'intérieur. C'est comme un sac modulaire qu'on peut personnaliser dépendant de ses besoins. Mm-hmm. Et on peut mettre un paquet d'affaires comme ça, comme une bouteille d'eau dans la photo, une paire de lunettes. Super. Il a l'air doux. Oui. Hein? Du beau tissu. Il semble que... On dirait un coussin de divan, pour vrai. Ah ouais? Un petit peu, je trouve. Un petit peu. C'est sur Kickstarter, ça demande 90$ pour en avoir un pour vous-même. Ensuite, la photo m'apparaît pas sur la page, ça m'arrive une fois de temps en temps. Ah, c'est ça, ok. Tu sais, le Keep Calm and Carry On de Fatican, on est tenu de voir ça. Ah, je sais plus. Hey, je me souvenais pas c'était quoi le texte d'origine. C'est vrai, ouais. Ça a été tellement parodié. Celui-là, c'est Shut Up and Shut Up and Shut Up and Shut Up à la place. Ah, c'est parfait. C'est parfait, et ça coûte 19$. C'est juste un chandail pour rire du Keep Calm and Carry On. Ensuite, un système de haut-parleur pour bébé, mais qui est encore dans votre vente. Ça coûte 50$ pour que votre enfant soit accoutumé, habitué aux voix de ses parents. Et peut-être votre musique préférée, peut-être pour que votre enfant connaisse déjà le rock avant même de naître, mettons. Donc, c'est des écouteurs qui se connectent, en fait, qui se connectent pas, qui se collent au ventre de la mère et ça transmet... On dirait des électrodes. Des électrodes, exactement. Ça peut transmettre de la musique ou n'importe quel enregistrement. Ah, oh, je pensais que quand tu parlais direct dans le nombril, c'était correct. Non? Marche pas de même? Avec un porte-voix. Hein? Ouais. Tout en délicatesse. C'est et, un hoodie pour les gens qui aiment l'audio. Pour rester au chaud, on aime ça porter un hoodie. Des fois, il y a trop d'air climatisé. On était rendu cet été dans les bureaux qui avait trop d'air climatisé. Des fois, on portait un petit hoodie. Mais c'est un hoodie pour ceux qui aiment la musique. Donc, il y a un tissu qu'on appelle un tissu transparent. Donc, dans le capuchon, capuchon qui permet à la musique de passer directement dans tes oreilles. C'est directement vers votre crâne. Tu sais, les écouteurs à crâne qu'on appelle, là, tu sais. Pas qu'il va tout le temps aux toilettes. Peut-être pas. Il a mal au ventre tout le temps, c'est pas celle-là. Mais à crâne. Ah, crâne. OK. En tout cas, c'est ce que ça dit directement dans votre crâne. Mais en même temps, je regarde les écouteurs visuellement parlant. Comme je disais tantôt, les photos m'apparaissent pas des fois. Mais ça ressemble à des écouteurs normaux. D'habitude, les écouteurs pour le crâne sont pas de la même forme puis c'est pas le même emplacement. Ça va pas à la même place sur ta tête. Donc, c'est juste des écouteurs traditionnels. D'après moi, c'est juste des écouteurs traditionnels. Mais le tissu du capuchon fait que le son est supposé mieux passer. Pour ceux qui achètent des souliers blancs des fois et qui ont tendance à les salir et se disent « Ah, maudit, j'aurais peut-être pas dû acheter des souliers blancs. » Non, à la place, achète des souliers blancs qui sont déjà pré-boîtés. Boiteux. Ah, OK. Comme ça paraît moins. Ouais, mais tout le monde doit faire comme « Mais là, rentre pas ici, tes pieds sont tout sales. » Non, mais t'as-tu vraiment le goût de te faire passer ce commentaire-là? Puis là, tu dis « Les caméras sont là, c'est juste pour rire les gags. » Surprise, surprise! C'est aussi drôle que le vrai « Juste pour rire les gags » ou le vrai « Surprise, surprise. » Fait que c'est pas drôle, c'est donc c'est pas ça. Drôle du tout. Mais quand j'étais petite, je trouvais ça drôle, surprise, surprise. Ben oui. Et justement, là, sur mon câbleau distributeur, il y a aussi justement prise 2 sur demande et tout ça. Et justement, hier, je suis allée jeter un coup d'œil sur surprise, surprise. Puis juste l'intro m'a convaincue de pas continuer. Écoute, c'était... Wow! Et Marcel Béliveau, hein? Oui! Ah, ouais. Et sa moustache. Oui! Donc, pour 125$, c'est des souliers déjà boîtés. Donc, ils ont l'apparence d'avoir de la boîte sur la semelle et juste un petit peu sur le bas du soulier blanc. C'est ça. C'est vraiment tout. C'est aussi simple que ça. C'est pas un peu cher pour la boîte? C'est très, très, très, très cher, hein? Ouais. Très, très cher. C'est un travail conjoint entre le designer Kazuki Kuraishi et l'artiste conceptuel Ryan Gander. Adidas Originals. Ils ont créé donc ces souliers barre oblique chef-d'œuvre ou œuvre d'art. C'est des Adidas XKZK ZXZ 750 RG 84 Lab, bien sûr. Oui, on l'a retenu à la maison. Évidemment, tout le monde ensemble. KZ. donc, c'est ça se vend pour environ 125$. On peut les acheter. Je croyais que c'était qu'un concept, mais non, on peut vraiment les acheter. 215$. Excuse-moi? 215$, excuse-moi. Tout à fait, 215$, c'est 129 livres sterling. C'est ça, voilà. C'est encore plus cher. Mais le pire, c'est que je regarde les souliers, puis c'est même pas tant réaliste. Non, hein? C'est comme plus dessin animé-esque. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est beau, par contre. Mais déjà, des souliers blancs, je suis pas tant fan. Non, moi non plus, non. Non. Non. Ça va se salir pareil. C'est ça, même s'il y a de la boîte sur le bas, le dessus va être tout bariolé de choses bizarres. Le Q Bracelet est un bracelet pour le poignet avec un chargeur de téléphone intégré à l'intérieur. C'est quand même assez intéressant, ça. Donc, Q Design, c'est une nouvelle compagnie qui est derrière ce bracelet-là. C'est dit que ça va donner 60% plus de charge à votre appareil. Quand vous êtes mal pris, vous avez juste à enlever votre bracelet et le brancher à votre téléphone. Donc, ça coûte 99$, 79$ en précommande. Un bracelet de métal, soit brossé ou blanc... noir, genre de noir mat ou encore un argent mât. Et il y a plein de. Il y a une version dorée aussi, comme les iPhones. Donc, c'est fait pour ressembler à votre téléphone cellulaire. Donc, c'est ça. C'est comme assez simple. Ouais, c'est beau, c'est pratique. Ouais. Voilà. Il y a du courant dans ton bracelet, tu branches le bracelet dans ton port de ton iPhone, puis ça recharge. Pas dangereux. Pas dangereux? Ben, je sais pas, c'est en métal, tu pourrais, si tu tombes à l'eau. Puis qu'il reste. Puis que. Le bracelet. Le bracelet, clair. Parce que toi, t'es mort, électrocuté. Steph, celui-là, je le trouve vraiment pratique. C'est près des boîtes de danseuses ou des bars, une machine distributrice à souliers, toi. À souliers? Ça pourrait être pratique quand même, mettons, une soirée où t'as vraiment beaucoup bu. Pas toi, mais juste une fille en général, c'est ça. Tu perds un ou deux de tes souliers. Un ou deux. Et tu peux racheter des souliers qui viennent dans un sac transportable dans une machine. Ça s'appelle... donc, c'est des souliers de la marque Rolasol, R-O-L-L-A-S-O-L-E. Donc, c'est des machines distributrices, le nouveau facteur. La compagnie de souliers existait déjà. Une fois par semaine, l'entrepreneur qui s'occupe de la branche américaine de cette marque internationale donc reçoit un envoi de la compagnie des quartiers généraux du Royaume-Uni et remplit la machine qui est située, les machines qui sont situées près de boîtes de nuit pour soulager les pieds fatigués des gens qui ont perdu leurs souliers. Apparemment, c'est très commun. C'est pas. Ah, ouais. Mais j'imagine qu'il doit y avoir un certain marché si tu penses à faire ça puis à concrétiser le projet. Là. Études de marché et tout. Donc, ça commence à 20$ par paire. La machine accepte l'argent ou les cartes de crédit si vous êtes capable de vous rappeler de votre NIP quand vous êtes sous-mort. Les souliers viennent dans une petite capsule qui contient donc les souliers roulés. Donc, Rolasol, c'est leur marque de commerce. Et un sac pour après ça transporter tes souliers. Ça peut être pour transporter tes souliers que tu aurais salis aussi, mettons. Là, ou même, des fois, tu peux. Ça arrive, casser un talon de ton soulier. Aussi, tout à fait. Ou est-ce qu'il y en vend aussi des souliers plats? Parce que des fois, si tu n'es plus capable de marcher avec tes talons parce que tu as trop marché. D'après moi, tu oui. Tu peux mettre des souliers plats? D'après moi, probablement. Ouais. Surtout qu'il n'y en a pas. Surtout si c'est des souliers roulables, c'est les plus faciles à rouler, c'est des souliers plats. Ouais, ça doit être des souliers plats. Hein. D'après moi. Ça doit être des genres de pantoufles. Non, finalement. Mais en fait, sur la photo, on nous montre des talons hauts. Donc, mais est-ce que c'était les souliers de la fille qui a changé? J'avais pas pensé à cette subtilité-là. C'est probablement les souliers de la fille qui a changé. On sait pas trop, hein? Ben, c'est pas clair dans l'article, mais bon. On va aller avec rapidement, il nous reste très très très peu de temps. C'est une ceinture Slide Belt Survival Belt, une ceinture de survie qu'on a vue sur Kickstarter. En plus d'être facilement ajustable et interchangeable, donc avec un ouvre-bouteille caché dans la boucle de ceinture, c'est sur tous les styles de ceinture de Slide Belt d'ailleurs. Il y a aussi, dépendant du but qu'ils vont réussir à atteindre sur Kickstarter, une bande de polyester super durable, un truc pour partir un feu, il y a un multi-outil et un tracker GPS. Donc, un peu comme une batte ceinture, genre à la Batman. C'est sur Kickstarter qu'on demande 49$ pour la ceinture de base et ça augmente plus il y a de caractéristiques et de fonctionnalités. On demande de l'argent jusqu'au 20 septembre. Voilà. Ah, c'est cool ça. J'aime bien ça. Ouais. La montre Pixel, plus en bref encore, donc une montre qui ressemble à l'icône tu sais, sur les anciens Mac quand t'avais une petite montre qui s'affichait à l'écran. C'est très, très pixelisé, des gros pixels, pas des petits pixels. Aucune idée. En tout cas, mais ça ressemble à ça. On peut l'acheter, c'est disponible chez Fancy pour 70$. C'est la Icon Watch. C'est beau! C'est la plus belle montre que j'ai vue jusqu'à maintenant de ma vie. Est-ce qu'on peut lire l'heure pour vrai dessus? Ben, je pense que c'est comme des... Parce que c'est des grosses aiguilles pixelisées. D'après moi, il faut que tu estimes l'heure environ. Peut-être que le milieu de la ligne, faut dire. Faut pas que la précision te tienne trop à cœur. Non, mais les gros pixels, ça a jamais été précis. Hein. Tu peux pas faire des beaux dessins avec ça. Ben, tu peux faire des beaux dessins, mais ce sont pas des dessins réalistes. Et finalement, la Memo Bottle, qui est une bouteille d'eau, mais en grandeur 8,5-11, genre de feuille de papier pour que ça rentre dans votre sac. C'est dommage fun! C'est le fun, c'est une bouteille de plastique avec un bouchon. Tu peux la remplir d'eau ou de n'importe quoi d'autre. C'est une bouteille réutilisable, parfaite pour l'environnement. Donc, ça vient en trois dimensions. Tu as les A4, A5 et format lettre. Donc, tu as les feuilles 8,5-14, je pense. Wow. Ceux-là, il me semble. Donc, tu mets ça dans ta valise. Ça prend très peu d'espace à côté de tes autres documents sans déranger la forme de ton sac. Le format A5 a 750 ml. Ensuite, 1,25 litres. Tout ça va au lave-vaisselle. C'est complètement à l'épreuve des fuites. Et ça peut être à vous pour la simple mise de 20$ pour le format A5 ou 30$ pour format lettre et même Bottle sur, c'est sur Kickstarter, bien sûr. C'est tellement simple et génial, je comprends pas pourquoi il y a personne qui y a pensé avant. Vrai, hein? C'est tellement parfait. Ah, les liens sont sur assemblagerequis.com. C'est même écrit sur la bouteille A4. C'est écrit le format dessus. Pas vu. Ce qui est quand même cool, comme ça. Moi, si je suis sur un logiciel quelconque à l'ordinateur, puis qu'on me donne les chiffres, je sais jamais ce que ça veut dire. Ben là, je peux regarder ma bouteille d'eau. Et voilà. C'est ça que ça donne. Bois pas. Ça se mange avec du ketchup au secondaire, ouais. Pourquoi on a eu la même image? Je sais pas. Est-ce que ça réfère à quelque chose qu'on a déjà vu? Absolument pas, à part notre pacte de sang que nous serons co-animateurs pour toujours and ever, forever and ever. Ouais. Voilà, c'est tout pour ça que ça devrait répondre. Là, les liens sur assemblagerequis.com, on fait ça d'habitude le mercredi. Et d'ailleurs, on va probablement, effectivement, certainement, j'imagine en faire une autre demain. Ah, parfait, on aime trop ça. On aime trop les gadgets inutiles. Et maintenant, c'est tout pour Assemblage Requis pour aujourd'hui. Oh, déjà? Mais... bonne nouvelle, on va être de retour demain! Avec une autre émission entre 6h30 et 9h30, en direct à partir de 7h30. Dans quelques instants, ce sera le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. C'est qui ça? C'est apparemment quelqu'un qui parle de technologie, de choses geek. Oh! Ça s'en vient dans quelques instants. Plus tard sur nos ondes, bien sûr, le Dîner de con commence la nouvelle saison à partir de 11h. Uh-huh. Et après ça, ce sera classique à 13h. Et réanimation à 19h. Hey, c'est une belle journée, ça. C'est un beau mardi. Allez voir cifou.ca. Merci, Stéphanie Paradis. Hey, merci, Mathieu Planche. J'en mets de bonne humeur, tout d'un coup. Ben, c'est le fun. Je me demande ce qui se passe. C'est ça. C'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Myriam Lortie, on la remercie. Sébastien Figuertin. Oui. Bien sûr. Vous d'avoir été là. Merci, Mathieu. Merci. À toi. À demain. Oh, c'est beau. C'est un beau moment. Oh, je suis émue. Je suis larme.